Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. À l'extérieur, la neige avait étouffé le rugissement de leur moto. Les derniers caprices de l'hiver, et avec un peu de chance, bientôt les bourgeons aux arbres se feraient voir. À l'intérieur, le brouhaha des bips, des couics et des plaintes avait fait de même. L'hôpital central de Gotham n'était jamais calme, tenant à peine debout grâce au prix exorbitant de la plupart des soins. En temps normal, on ne se rendait pas là-bas après une fusillade. Trop de questions étaient posées. Mais pour celui qu'il cherchait, c'était une autre histoire. Plein aux as, il n'avait pas à craindre la facture, et avec les problèmes qu'il avait au cul, les questions et la police étaient les derniers de ses soucis. En parlant de flics, voilà qu'ils en passaient un, puis un deuxième. Ce n'est que le troisième qui les arrêta. La chambre était bien gardée. Passez le bonjour à Larry, prononça l'un des intrus dans un fort accent yougovien, en passant un sac à l'homme en bleu. Il s'était révélé surprenamment facile à convaincre ces derniers temps. Le commissaire Gordon n'inspirait plus tant la droiture à ses hommes qu'autrefois. Pas surprenant, ce dernier avait tout fait pour qu'on en retire le droit de se masquer en service. Le passage libéré, le prisonnier dans la chambre, se révéla à leur vue, menotté à son lit, plongé dans la pénombre. La montagne terrassée, The Whale, quelques balles dans le buffet. Sa respiration, difficile. Les machines grinçantes, accompagnant les mouvements de la machine, de sa respiration. Même ainsi diminué, il restait impressionnant. Debout, s'il n'avait pas été armé, debout, si Hills n'avait pas été armé et lui libre de ses mouvements, il aurait sûrement pu encore s'occuper d'au moins l'un d'entre eux. « Ils sont pas venus, hein ? Quelle bande de chiens !» articula la bête, ses yeux fatigués, observant l'approche de ses bureaux. « Je veux leur parler. » De l'autre côté de la ville, derrière les murs en blocs de béton qui délimitaient Arkham City du reste de la métropole, un téléphone sonna. Un assaut, c'est un assaut. On fait pas chichi. Mais une mise à mort, comme ça, sans possibilité de se défendre, au moins en Yougovie, ça exige qu'on respecte le dernier souhait de la cible. Au plus profond du Hour Alibi, la voix faible de The Whale se mit à résonner à l'oreille de ceux qui avaient commandité l'attaque. À peine sortis de leur cellule et déclarés innocents, grâce à l'avocat gracieusement offert par le banquier, mais toujours un peu trop sous les projecteurs pour finir le boulot eux-mêmes. Vous devez vous croire bien malin. Bravo. La voie est libre maintenant. À vous, tout Arkham City, c'est ça? Vous avez rien gagné. Non seulement vous m'avez dégagé juste moi, et pas tous les autres, le baron, les musulmans, tous ceux qui ont la même idée que vous, mais en plus, vous voilà maintenant sur le devant de la scène. Un instant, on crut qu'il était mort. Aucun son. Puis sa respiration reprit, et sa voix, plus faible encore. Vous êtes plus les petits rats que vous étiez. Vous pouvez plus vous faufiler dans l'ombre et grignoter les restes. Vous êtes bien gros maintenant. Et tout le monde vous voit. Black Mask vous voit. Et je pense pas que vous ayez l'expertise nécessaire pour lui échapper. Que je parte avec une balle, ou que vous me laissiez crever par moi-même, ou je sais pas encore, ce sera toujours mieux que ce qui vous attend. Ciao les losers. Un peu moins d'un an est passé depuis cet appel. L'été 2022 et son soleil tapent fort sur Gotham City. Mais il n'en réchauffe vraiment que les sommets. Le reste, dans l'ombre des cathédrales et des tours immenses des corporations multinationales, ne peut avoir pour confort que la promesse qu'aucune neige ne tombera. Avec un peu de chance, les pluies torrentielles qui caractérisent la saison à Gotham ne provoqueront aucune inondation. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Cela fait longtemps maintenant que le gang de The Whale ne s'est plus aventuré en dehors de Bloodhaven, laissant au Hour Alibi tout l'espace et le temps nécessaires pour asseoir leur présence dans tout Arkham City. Et cela aux plus grandes dames de leurs concurrents les plus hostiles, comme le Kingston District du Baron, ou les Irlandais, maintenant quasiment expulsés par les Slaves et leurs amis yougoviens. Excusez-moi, j'ai dit Arkham City, mais vous n'avez pas écouté les infos ou je rêve? Oui, les murs sont toujours là, oui, les checkpoints sont toujours là, mais la mairie a bien fait son travail de communication. Considéré par beaucoup jusqu'à présent comme un méga projet sans direction, une excuse pour le déplacement des populations les plus problématiques du quartier, le New East End, de son vrai nom, reprend peu à peu vie et pour cause, de nouveaux résidents s'installent dans les parties où les rénovations ont pris fin. Pas n'importe qui, la police. Depuis la démission, poussée vers la sortie en réalité du commissaire Gordon, les flics sont devenus un bloc social dur, et ils ont su demander leur dû. S'il n'est plus question de se masquer pour protéger les familles, s'il n'est plus question d'expulser la sécurité privée de la NES, il est maintenant question d'un véritable Copland. New East End sera bientôt un quartier où un voisin sur trois est un homme de loi. Par cette concentration de force, les hommes en bleu espèrent ainsi avoir le contrôle, de jour comme de nuit. Pouvoir bosser l'esprit libre à l'idée que sa famille, même si elle n'est pas protégée directement par sa personne, est toujours à quelques pas du domicile d'un collègue. La clinique Tompkins, maintenant transformée en un véritable commissariat annexe du central, ne promet plus aux criminels des soins à l'abri des regards indiscrets, mais bien un séjour au trou. À Arkham City, on ne rigole plus, et au Hour Alibi, quelques hommes en uniforme viennent bien souvent faire une pause, certains conscients et d'autres moins qu'ils ne sont pas forcément chez des amis. Mais arrêtons un peu de perdre du temps sur le paysage géopolitique de la ville. Remettons un peu d'humain dans l'équation. Et dirigeons-nous vers le petit cabinet privé du docteur en psychologie Victor Bischoff. Il en a du travail depuis ses presque un an. Enfin, peut-être pas. Après tout, depuis la sortie du livre de Dorothy Harpier au sujet des magouilles au sein de l'asile d'Arkham, il y en a eu du ménage, et parmi ceux qui ont été mis à la porte, lui. Au moins, a-t-il toujours le droit de faire son métier, contrairement au docteur Smile, faute de véritables preuves de son lien avec le réseau derrière la libération de certains criminels. Aujourd'hui, c'est thérapie de groupe. Enfin, officiellement. Ruby et Yasmine, obligés d'être suivis par un professionnel depuis leur passage devant la justice, ce n'est pas allongé sur un sofa que se déroule votre session aujourd'hui, mais bien assise, un verre de champagne à la main, et accompagnée de vos collègues, eux, bien sains d'esprit, ou en tout cas, aux troubles encore non diagnostiqués. Pi, JB et Marco. Le docteur, qui ne s'est pas privé d'un petit verre lui aussi, après avoir fait disparaître dans le double fond de son armoire un sac bien plein que vous lui avez confié, finit par s'adresser à vous en des termes bien plus graves qu'il y a quelques instants. Dans sa voix fébrile, on entend les glaçons de sa boisson, oui, une certaine appréhension aussi, mais aussi une excitation certaine. Ce qu'il va vous révéler lui fait aussi peur que plaisir. Fouillant dans son tiroir, il en sort une enveloppe ouverte. Mais ce n'est pas le fait qu'elle soit ouverte qui vous surprend plus, c'est sa couleur, qui signifie bien des choses à Gotham City. L'enveloppe est d'un violet sombre. Le cache de cire brisé, lui, est vert. Le docteur pose l'enveloppe sur le bureau et la fait lentement glisser vers vous. Avec ces mots, j'ai reçu ça ce matin. J'ai encore quelques contacts à l'asile et il semblerait qu'il veuille vous parler à vous en particulier. À moi ? Mais c'est qui ce Claude ? Exactement. À vous tous. J'ai échappé un soupir de soulagement. Vous avez un calmant ? Parce que si c'est bien de lui qu'on parle, j'ai pas très envie de le voir. Je crois pas qu'il veuille vous voir en personne. J'ai lu la lettre, évidemment. Après tout, je suis garant de votre sécurité. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir et là-dessus. Je vais la prendre dans la lettre et la lire à haute voix à tout le monde. Ok. Tu prends la lettre, tu en sors lentement, enfin tu sors de l'enveloppe la lettre, lentement, parce que d'après les rumeurs, on n'est quand même jamais à l'abri du fait qu'une lettre puisse finir par exploser, ou qu'il y ait de l'anthrax dedans, ou peu importe. En tout cas, tu en sors la lettre et personne ne meurt. La lettre est aussi du même papier, de la même couleur que l'enveloppe violet. Mais c'est illisible. Et il a été écrit en noir, en effet, donc c'est absolument illisible. Donc, tu approches la lettre de ton visage, c'est sûrement ce qui est voulu. Peut-être, sûrement, à l'odeur de cette lettre, vas-tu commencer à rire de manière incontrôlée et mourir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Tu arrives à lire difficilement. Quelques instructions. Il y a simplement marqué... Pour commencer, une salutation, somme toute, assez ordinaire, et des félicitations. A priori, vous faites du bruit. A priori, le fait que vous ayez mis The Whale il y a maintenant presque un an de côté a impressionné des gens. Le fait qu'a priori, Black Mask ne soit pas encore attaqué à vous, ne vous ait pas écrasé directement sans faire bonne impression. Mais ce qui vous félicite le plus, c'est par rapport au chaos que vous avez créé. C'était vraiment de très bonnes idées que de faire tous ces braquages avec des masques différents, de Black Mask, du Batman, du Joker peut-être, qui sait, je ne sais plus exactement. Ça a bien foutu la merde, tout simplement. Et il y a eu pas mal d'affaires en ville, de gangs qui se sont réglés leurs soucis à cause de ça. Alors que vous n'avez rien à voir avec ces gens. Il a beaucoup aimé ça. Mais maintenant que vous avez gagné sa confiance, ou en tout cas son amusement, il a quelque chose à vous demander. Il y a des instructions précises à un lieu. Vous pouvez vous diriger vers la carte de Gotham si vous le souhaitez. Ce lieu... C'est l'adresse du Hayley's Circus, ou tout simplement le cirque de Gotham, tout au nord, sur Amusement Mile, l'île la plus au nord de Gotham. Non loin du zoo, non loin du Panessa Studio, où sont tournés les derniers films en date. Pas loin de l'aquarium aussi, mais pas celui où vous avez eu votre rendez-vous avec The Whale il y a de cela un an. En clair, cette adresse, c'est celle du cirque, du lieu où, encore et encore, à chaque fois que ce fameux clown s'est échappé, à chaque fois que le Joker s'est échappé, il a été se réfugier, où il a fait deux, trois choses horribles, notamment handicaper à vie la fille de l'ex-commissaire C'est sur ce lieu-là que ça a eu lieu. Et en dessous de l'adresse, il y a marqué « Ces lieux doivent rester déserts. Et je n'aime pas les imitateurs. Débarrassez-vous-en. » En bas de la lettre, tout simplement, signé d'un rouge à lèvres. Rouge. A priori, il a embrassé la lettre. Avant de la vous envoyer, de vous l'envoyer. Génial tout ça. Question OMJ. Ce que j'ai bien compris, on n'a rien à y gagner. C'est pas marqué, y a pas de choses marquées dans la lettre comme récompense. Ouais, mais j'ai l'impression que, du moins, quand même de la réputation du Joker, j'imagine, enfin, ce qui est probablement le Joker. J'imagine que, bon, si on le fait pas, je pense que c'est la... Ok, ouais, bon, si la question n'est pas abordée. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que, du coup, c'est officiel ou pas qu'on ait déjà pris les masques du Joker? Parce que ça se trouve, c'est juste un guet-apens à la con. On va se faire défoncer la gueule parce qu'il y a une fois, on a mis les masques du Joker. Donc, je m'en rappelle plus en tant que joueur. Mais je veux bien la réponse, du coup, si c'est une réponse officielle. Je crois qu'on n'en avait pas mis. On avait mis Red Hood, Black Mask, et je crois que c'est tout. Non, il n'y avait pas des masques de Batman qu'on avait mis à un moment. Ah ça oui, de Batman. Peut-être Batman. Ouais, de Batman. Ouais. Bon, a priori, pas de Joker. Je crois qu'on s'est pas. Ou alors, il a mal pris pour le Batman. Ouais, sûrement. On travaille pour un psychopathe maintenant. Ou alors le. Ouais, non. Ouais, stop. Très bien. Ok, je finis mes questions. C'est juste une question comme ça que je vous demande. On travaille pour un psychopathe, hein. Bon, après, j'ai envie de dire, on travaille pour le banquier. Ouais, mais lui, il est pas psychopathe. Le docteur intervient, pas d'une manière trop brute, quoi que ce soit, il fait juste... si je peux me permettre, différentes personnes ont étudié la psychologie du Joker et aucun trouble particulier n'a jamais été identifié. Parce que vous avez travaillé dessus? Pas moi, personnellement, mais j'ai connu beaucoup de gens qui ont travaillé. Comme une femme docteur, oui. Mais je répète, parce que je n'ai pas compris. C'est qui ce clown? Parce que là, tout ce qui nous dit, c'est lui être admirateur de notre travail et lui vouloir rencontrer nous par amusement. C'est ça. Ouais. Donc, et pour ce faire, il nous a donné une petite mission d'aller embêtouiller des gens. Oui, ça va être pas mission, ça va être promenade de santé, non? C'est quoi, c'est... Oui, bon, il faut déloger des gens, quoi. On y va, on fait ce qu'on sait faire, et puis voilà. Oui, si je peux me permettre encore une fois, de ce que j'en sais, le cirque, et en particulier Amusement Miles, de manière générale, mais en particulier les cirques, sont occupés par les Jokers. C'est cette espèce de gang, entre guillemets, disons qu'il n'y a pas vraiment de structure, de tous ces jeunes adolescents en rébellion qui se sont teints les cheveux en vert ou en rouge et en noir et qui ont des tenues particulières. Vous savez, il y a fait cette star de la télé il n'y a pas si longtemps qui avait relancé le mouvement. Comme ça, et maintenant il y en a plein en ville. Ils ont participé aux manifestations il y a un an contre le maire Sharp. Ok. D'où le fait qu'il appelle les imitations. C'est autre élément antisocial punk, c'est ça? Exactement. Ouais, tu vois, ouais. Les crimes de guerre. Ça veut dire qu'on doit. Ça veut dire qu'on doit s'en prendre à des ados, là? On s'en branle. C'est le Joker. C'était grave, mais. Si le Joker a dit, il faut qu'on fasse. Sinon, on va mourir à leur place. Et pour répondre à monsieur... Honor. Monsieur Honor, pour vous répondre sur l'identité de ce fameux clown, vous êtes là face au criminel le plus important de Gotham City, la personne qui a, pour ainsi dire, empoisonné les eaux de la ville une bonne dizaine de fois, libéré des gaz toxiques dans l'air de plusieurs bâtiments d'importance à plusieurs reprises encore une fois. Je crois que le record est de 36 attaques sur les locaux télévisés de Gotham City. C'est lui qui le tient pour faire des annonces télévisées et abattre des journalistes en direct, ce genre de choses. Disons que, voilà, pour ainsi dire, Al-Qaïda est jaloux. Ouais, je connais, j'ai beaucoup respect. Moi, un criminel, oui. Écoutez, moi, j'ai pas problème. Rencontrer admirateur, lui être fan, et pourquoi pas collaboration, ça peut être intéressant. En tout cas, si ça peut nous mettre moi, dans ses bottes, moi, je suis pour. Disons que je pense qu'il vaut mieux l'avoir en ami si une telle personne puisse avoir des amis qu'en ennemi. Et puis, autant partir sur un nouveau bon pied plutôt que de potentiels anciens conflits qu'il aurait pu avoir, enfin, bon, qui n'existent pas, mais qu'il y aurait pu y avoir, je veux dire, par le passé, espèce de vieille rengaine. Enfin, bref. Tous les cas, ça n'a pas d'importance, cela n'existe pas. Donc, mais voilà, dans le doute, on pourrait tout à fait se racheter. Ça fait trois personnes pour et trois deux chiffres molles. Donc j'ai dit démocratie marche et nous allons à les mille des amusements. Qui était contre ? Je ne sais plus. Mais c'est pas Marco, encore exprimé ma... ah, arrête de boire. Mon choix, donc... Surtout que j'étais une des premières personnes à dire que j'étais partante, contre, mais... Attendez, Pipi, explique-nous ton point de vue. Si ça se trouve, tu as déjà travaillé avec lui, toi qui as tant d'expérience. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, même s'il est vrai que j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup parler de lui. Un titre informatif, au cas où, Gossett, tu ne te souviens pas de cette information, c'est possible parce que ça a été dit qu'une seule fois dans la campagne 2. Tu as tout de même travaillé avec des gens, Johnny Frost par exemple et Patrick O'Malley, qui étaient de proches collaborateurs du monsieur, pas forcément à l'époque où tu travaillais avec eux, mais qui venaient de son gang. Oui. Mais en fait, moi, je ne l'ai jamais connu directement. Oui, j'ai eu vent de lui. On m'en a déjà parlé, donc par un intermédiaire peut-être de ces personnes. Mais voilà. Après, je sais, quoi qu'il en soit, que c'est une personne très, très dangereuse et que on peut pas mettre ça de côté. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Maintenant, je pense que, comme l'a dit Marco, on n'a pas vraiment le choix non plus. Il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, oui, je vais suivre. Je vais suivre. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas cassé des gens. Depuis les médias et tout autour de nous, ça va être l'occasion de se dépouler un peu. Alors, je propose, on va chercher Batmatrac et puis quelques trucs rigoureux, je sais pas, fumigène, bombe à l'anthrax, trucs comme ça, et puis on va casser du punk. Enfin, on les déloge, hein, on n'est pas obligé de les tuer non plus. Ouais. Enfin, comment ça, c'est pas être la même chose Je pense qu'il faut quand même que tu fasses attention. On leur fait peur, on les menace, on entend basse un ou deux, si une forte tête ou deux, si besoin, mais on n'est pas là pour faire un carnage. Ou 20, ça peut être bien aussi. J'ai juste envie de dire, ça dépend sur qui on tombe. Hein. Si on tombe sur des randoms, moi j'ai aucun souci. Si des ados, ça ne dérange pas que d'abord on les. Non, surtout sur les adolescents. Je veux bien qu'on essaye de les déloger avant de les tabasser. Au moins pour la forme. Yeah. Voilà, après, s'il y en a un qui fait chier, on y va. Hein. Y a pas de soucis. Enfin, genre, c'est juste... Pierre, vous avez qu'à prendre des Kalachnikov et en tirer sur tout le monde. Moi, ça me dérange pas non plus. Ça dépend. J'ai appris la méthode yougovienne. Oui, mais ça marche pas quand tu as caméra sur toi. Prends exemple. Moi, est-ce que j'ai continué bombardement quand Amnesty International y vient? Non. Tu attends et je pars. Parce que sinon, tu as problème. Et tu veux finir à l'AI. Tu sais comment c'est, cellule de l'AI, parce que et prison américaine est hôtel de luxe. Hein, et moi, j'ai connu prison Yougovia. Donc, je peux te dire que si tu veux finir là-bas... Donc, là-bas, d'abord, méthode démocratique. Ensuite, méthode moins démocratique. Ouais, ta méthode, quoi. Et... sur ce, sans vouloir vous déranger, j'ai un rendez-vous avec un ex-cannibale dans quelques minutes. Je vais devoir vous mettre dehors. Oh, très bien. Par contre, prochaine fois, plus retard paiement. Sinon, tu vas avoir problème. Ok. Ok. Avec un ex-cas de quoi, vous avez dit? Cannibale. Ah, j'avais bien entendu. Oui. C'est plus commun qu'on ne le croit, vous savez. Les névroses urbaines, ça... Ah. Ai-je réveillé instinct humain? Mais ben, j'espère qu'il n'était pas serveur dans un restaurant. Oui. Oh merde, c'est pas vrai. Où ça? Vous savez cette chaîne de fast-food qui a fermé il y a quelques années? Pas les Weinburger. Non. C'est quoi? Non, c'était les Bad Burger. Ouais. Ça dit quelque chose, cette chaîne de restaurant? Oui, une chaîne de fast-food. Il y avait eu un scandale sur le fait qu'il se... Disons que... il y avait un trafic d'enfants... Voilà. Enfin bref, cette chaîne de restaurant n'existe plus et mon client est sûrement lié à cette affaire. Mais bref, doucement, hein. On n'en parle pas. C'est business. Il est dans le couloir ou pas? On va le croiser? C'est possible. Ok, je vais aller aux toilettes avant, alors. Très bien. Oh, mais dis pas que tu le connais, lui aussi. Sans commentaire. Alors, on y va? Je connais tout le monde. Docteur, je peux avoir mes anxiolytiques, s'il vous plaît? Vu que je dois arrêter la drogue. Évidemment. Alors, attendez, il ouvre un tiroir, vous l'entendez fouiller dans des tonnes et des tonnes de tachés. Sûrement pas tous des anxiolytiques. Et ça, c'est... il te sort ton petit bocal, là, et il te le passe. Ça, c'est vraiment un monde, quoi. Aller voir son dealer pour arrêter la drogue. C'est plus comme à l'époque. Yeah. À bientôt. Vous quittez donc la pièce, les uns après les autres, plus ou moins rapidement, étant donné que Pi doit faire un petit détour pour des raisons non divulguées. Et donc, vous quittez la pièce et je vous laisse le choix libre de où vous voulez aller, si vous voulez qu'on en discute. Je pars du principe que vous avez des voitures. Le cabinet de ce fameux docteur n'est pas dans Arkham City. Là, vous êtes dans la partie, disons, large de Gotham. Donc, vous êtes libre de vos mouvements. Vous n'avez pas besoin de passer de checkpoint, sauf si vous voulez vous rendre au Hour Alibi. Mais, a priori, c'est dans la direction inverse. Mais comme vous voulez. Moi, je vais prendre ma moto et... mettre mon casque de lapin. Casque de lapin? Ouais. Casque de lapin. Je veux des détails sur ce casque de lapin. C'est un casque de lapin blanc. Parce que mon surnom, c'est White Bunnies. Mais en mode... Il y a les oreilles ou en mode les trucs de streamer avec les petites oreilles de chat? Non, Hotline. Miami. Il n'y a pas les petites oreilles avec? Non, ça, les petites oreilles, c'est dans la coloc. Ah, ok, bon, ça me va, alors. Non, quand même. Du coup, je prends ma moto et j'attends juste qu'ils me disent si on part là-bas directement ou si on va se rejoindre à Alibi. Non, on fait une petite escale pour s'équiper. T'as moi, pas déjà des trucs dans ton coffre? Je suis le groupe. Vous parlez en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Baptiste? T'as pas des armes dans ton coffre, vu que t'es yougovien? Généralement, vous, là-bas, vous avez tout le temps des armes dans vos coffres. Là. C'est très raciste. Non, je sais pas. C'est pas raciste, non. C'est un fait. Bon, rendez-vous au magasin de baseball dans une demi-heure. Très bien. Vous vous séparez donc, j'imagine, si j'ai bien compris, et vous partez tous récupérer ce qui est à vous. Il faut avouer que, grâce à un contact très important de Yasmine, qu'elle s'est faite il y a fort longtemps dans une campagne précédente, avec quelqu'un qui dirigeait des projets de construction, qu'elle était venue corrompre, je ne sais plus exactement pour quelle raison, a pu être placé dans différents bâtiments qui, à l'époque, étaient en construction dans Gotham City. Quelques petites caches pour votre gang et pour vous. Vous avez, pour ainsi dire, vos petites batcaves personnelles éparpillées à travers la ville. En particulier dans Arkham City, parce que c'est là où toutes les une énorme majorité des constructions avaient lieu, mais vous en avez un petit peu par-ci par-là, à Gotham. En tout cas, tout ce qui peut être caché. Vous n'avez pas un lance-missile caché dans le comble d'une maison. Mais des petits flingues, ce genre de choses. Ça, c'est facile à trouver, des masques. Voilà. D'ailleurs, je vais vous laisser avoir un petit peu d'imagination. Je vais vous demander à chacun de me décrire un peu la petite planque qui vous est réservée, dans quel genre de bâtiment elle est, qu'est-ce que vous avez dedans. Voilà, soyez un petit peu foufou, pas de dinguerie non plus, vous n'avez pas de lance-missile comme je l'ai dit. Mais allez-y, les volontaires parlent. Vas-y. Moi, je vais dans un restaurant chinois et je demande le menu du chef et il me file deux menus Uzi et du matériel électronique. Menu du chef à emporter, très bien, monsieur. Il te l'amène et à côté, t'as un petit bol de riz qui te repose. Offert par la maison. Offert par la maison. Parce que vous êtes un si bon client. Parfait. Un autre volontaire? Ou une autre volontaire? Comme d'habitude, moi je vais à l'église et je vais confesser mes péchés. Très bien. Tu vas confesser tes péchés. Aujourd'hui, le prêtre n'est pas là, mais c'est pas grave. C'est pas cette petite fenêtre-là que tu veux ouvrir vers l'autre partie du confessoir. C'est une autre petite fenêtre encore sur le côté qui te permet d'avoir accès à ce qui est caché derrière le confessoir. Et à quoi tu as accès? Ouais, Makarov, petit pistolet, trucs comme ça, mais je vais surtout prendre le canif que j'ai ramené de chez moi, couteau, puis petite matraque, tout ça, bref, ce genre de trucs. Très bien. Attends, Makarov, faut que je regarde ce que c'est un Makarov quand même, parce que... C'est un pistolet. C'est un tank. Ok, d'accord. Un petit tank caché derrière le confessoir. C'est une espèce de petit porte-avions. C'est le vaisseau, le bateau volant du Shield. C'est ça. Ok. Au prochain. Alors moi, vas-y. Alors moi, ce sera dans une boutique de prêteurs sur gage, où en fait je rentre quand je rentre, en fait, le gars, il est déjà en train de causer. Alors, il faut imaginer que devant le comptoir, en fait, c'est un truc en... c'est une espèce de plexiglas, mais ultra, ultra solide pour... Même si tu tires dessus, c'est par balle, quoi. Donc, le gars, il est en train de causer avec quelqu'un avec qui il veut essayer de vendre ses trucs. Et moi, en fait, je passe sur le côté, je rentre à l'intérieur comme si c'était ma boutique, en fait. Donc, je lui fais un signe de la main, il me salue aussi. Et je pars dans l'arrière-boutique. Et dans l'arrière-boutique, il y a un espèce de coffre où je suis le seul à avoir la combinaison. J'ouvre le coffre et là, du coup, je prends mon flingue. Donc, c'est un 45. et que je mets derrière et deux trois trucs que ce soit pour crocheter les serrures et tout le tralala que je mets dans une autre poche avec deux chargeurs de remplacement. Et donc je ferme le truc et je m'en vais. Et au passage, en partant, il y a une bouteille de soda qui est pas ouverte, qui est là, et je la prends avec moi et je me casse. Très bien. Alors, de mon côté, je vais me rendre dans un vieux bâtiment abandonné, qui était en fait une ancienne épicerie, dont le propriétaire a disparu du jour au lendemain et qui désormais sert un peu de squat, mais un squat interminable où on trouve des drogués absolument partout. Et en fait, c'est la planque parfaite parce que je veux dire, même le JCPD, ils ont lâché à force, c'est-à-dire que tous les deux matins, à virer tout le monde. Et ben en fait, dès le lendemain, ça nous remplit quoi. Et en fait, ce coin de crackhead, quand tu te rends à l'étage, donc déjà, il faut avoir le courage de te rendre à l'étage, t'as une espèce de porte en arrière et t'as pas grand monde qui en a la clé, hein. Et en plus du coup des crackheads, t'as aussi des scratchers qui justement font des tatouages un peu à la volée. Alors tantôt ils font, je sais pas, ils vont tatouer des gamins de 17 ans, des jeunes rappeurs ou des trucs comme ça qui sont en charge de crédibilité. Ou tantôt ils vont s'entraîner sur les types à moitié morts à côté pour se faire la main. Et de toute façon ils se souviendront même pas de s'ils étaient tatoués ou pas au réveil. Du coup, là-dessus, voilà, j'ai quelques vieux contacts de l'épouvantail aussi qui traînent un peu dans le coin. Et du coup, voilà, je me rends un peu au niveau de la porte à l'arrière, qui pour le coup est quand même bien solide et tout. Et qui donne sur mon... Ouais, une espèce de hangar qui est en fait la réserve de l'épicerie. Dans laquelle on trouve tout un tas de choses intéressantes. Donc, moi je pense que j'ai entreposé quelques armes, en effet, alors du classique hein, pour l'instant. Donc, je pense un petit pistolet, peut-être avec un silencieux, pourquoi pas. Je pense aussi un masque à la base, peut-être plus pour faire du tag, mais qui peut toujours servir, surtout si on va aller voir des types qui aiment s'habiller en joker. Je pense que je vais en prendre pour l'équipe aussi, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est gaz hilarant, etc. Donc, avoir des masques à gaz, ça peut être pas mal. Et puis bon, je pense que je vais rien d'autre prendre d'autre pour la mission, mais pour les prochaines ça pourrait servir. Il y avait dans cette épicerie, quand on l'avait racheté, enfin récupéré parce qu'on l'a pas racheté, enfin, comme si c'est un lieu de squat, mais quand on l'a récupéré, il y avait étonnamment un plan de Gotham qui se trouvait déjà dans la boutique. Alors c'est pas ce qu'il foutait là, mais bon, c'est pratique, donc moi même je le garde pour noter mes quelques points les plus intéressants. Très bien, ouais, une fois que j'ai récupéré tout ça, je m'en vais. C'est parfait. Yasmine ? Moi, c'est assez simple. C'est dans une boîte de nuit. J'ai petit coin VIP, etc. Où vont normalement les gens select, quoi. Et dans ce coin-là, j'ai mon coin à moi, vraiment. Excuse-moi. Où j'ai accès, du coup, à ma cache. Dedans, j'ai effectivement une petite arme en cas de problème, des munitions. J'ai surtout tout un kit de maquillage, des trucs comme ça, pour au cas où il y en a besoin. Et très important, quelques masques, notamment du genre de masque qu'on pourrait utiliser, des trucs comme ça, qui ont été mis de côté, sait-on jamais. Et le journal à team de Xavier. Ok, très bien, parfait. Une fois vos petites emplettes faites, Vous retrouvez devant le fameux magasin de batte de baseball, vous avez dit ? De baseball ? Je précise que nous sommes aujourd'hui en fin de journée. Le ciel, quand vous pouvez l'apercevoir à travers le toit de bâtiment qui vous surplombe, est de couleur orangée, dorée. Le soleil disparaîtra dans peu de temps. Bon, il est où Marco là ? Je cherche un petit peu la tête partout. J'imagine que je finis par le trouver. Exactement. Moi je suis sur ma moto en train de bouffer des nouilles, en train de vous regarder. Bon, qu'est-ce que tu nous as prévu, mon petit Marco? Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur, cette petite mission. Alors, vas-y, c'est quoi le programme de la soirée? On rentre, on casse tout. Taper avant, parler, appeler. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne méthode. J'ai pris des nouilles, si vous voulez. Il faut se remplir la pince. Non, c'est très gentil. J'insiste quand même que si jamais ce sont des adolescents, qu'il y en a, on parle d'abord. Oui. On n'est pas en Yougovia. Le reste, je m'en fiche. Mais si ce sont des adolescents, on parle en autre langue qu'en Yougovien, justement. Exactement. c'est tout le truc. Oui, puis mais vous avez pas été jeune aussi? On sait pas comment ils sont équipés. Non, je suis né avec barbe. Exactement. En Yougovie, c'est une condition génétique propre de famille. Ah. Très bien. Bon, bien sur ces mots sages, vous montez dans un, deux véhicules? Moi, je monte avec ma moto. Enfin, toi, t'as une moto. Tu vas toujours faire bander à part. Il a toujours eu un petit côté un peu solitaire, mais quand il fallait travailler, il était là, alors vous lui permettez. Oh, voiture, si jamais vous voulez venir avec moi, pas de problème. Je pense que c'est bien. Hein. Comme ça, oui, ça permet de, s'il y a besoin, on reste ensemble, on peut partir ensemble. Ok. Donc, une moto et une voiture avec tout le monde dedans, sauf JB. Vous partez donc, vous remontez le long des rues de Gotham, vous traversez tout Somerset en direction de Burnley, où se trouvent les quartiers, disons, dans le nord les plus riches, comme le Diamond District, ou les zones privées, les immeubles bien sécurisés, les jolies maisons qui ne sont pas au bord de la ville se trouvent. On parle, il y a même un port qui est une partie du port de Gotham qui a été retransformé pour pouvoir garder tous les yachts et autres véhicules de plaisance. Marin de la Jet Set de Gotham. Mais vous ne vous y attardez pas parce que ce n'est pas là où vous allez, vous ne faites qu'y passer. Vous traversez le pont qui vous mène à Amusement Miles et déjà vous voyez s'élever dans le ciel, perçant ce ciel doré, quelques faisceaux de lumière émergeant de l'autre côté d'Amusement Miles. Des lumières bleues, des lumières rouges, des lumières vertes, des lumières violettes. Peu importe où vous allez, il semblerait que ceux qui y habitent ont installé une sacrée rave party. Et alors que vous traversez les rues de Amusement Miles, où vous croisez deux, trois badauds qui savent pas trop ce qu'ils font, d'autres qui ont l'air d'être des habitants du quartier, qui ont l'air un peu sur leur garde. Il faut dire que il y a pas mal de jeunes turbulents dans les parages. Ils sont jamais à l'abri de se faire tabasser pour un rituel d'initiation ou ce genre de choses. Et plus vous vous approchez, plus vous croisez de ces fameux jeunes. Punk, gothique, métalleux, tout ce que vous voulez. Des coiffures inimaginables, de couleurs inimaginables. Des tenues tout aussi multicolores, certaines beaucoup plus sombres. On est dans un véritable mélange de... En fait, toutes les sous-cultures imaginables qui s'entrecroisent. Certains ont un haut qui a l'air gothique et un bas qui est de couleur multicolore. Rien ne va. Il semble se prendre un plaisir certain à même au sein de leur sous-culture être unique. Et plus vous en rapprochez, plus ceux-ci portent des maquillages qui ne sont pas sans rappeler certains clowns, en tout cas des grands sourires rouges. Des visages blancs, des cernes noires. Certains portent des nez de clown. Directement, il semble que ça leur va au teint. Et vous finissez, finalement, directement, non loin du zoo de Gotham, de l'aquarium de Gotham, du Panessa Studio, et du A.S. Circus, d'où émane non plus cette petite mélodie de cirque hanté qu'on peut s'imaginer à chaque fois qu'on imagine ce genre d'endroit où personne ne va et où pourtant les carrousels continuent à tourner. Non, à la place, c'est la rave party. Lumière multicolore dans tous les sens, une masse importante de gens. On ne sait pas trop si ils dansent, s'ils sont en train de faire une attaque d'épilepsie, ou si c'est une orgie, on ne sait pas trop. Il y a là des gens qui hurlent du haut de leurs poteaux, d'autres qui dansent nus directement sur les carrousels qui continuent à tourner malgré tout. C'est... Si on était plus conservateur, on pourrait dire que c'est l'apocalypse. Je me rapproche de JB, parce que vu l'ambiance et ce qui doit tourner comme produit plus ou moins toxique, eh bien je vais essayer de un petit peu de surveiller, voir qui partent pas en sucette, quoi. Ça va, Pi, pourquoi tu te rapproches de moi? Non, tu sais très bien pourquoi. T'inquiète, j'ai déjà ma petite substance, le psy me l'a filé. J'ai pas besoin de leur merde. Ok. T'inquiète. Mmh. Et après, j'ai mes deux autres substances. Promis, je prends pas de drogue. Mais j'ai le droit de hacker des gens, vu qu'ils sont tous cons là-dedans. Tu pouvais hacker la playlist déjà. Tu fais ce que tu veux. Là, on va pas pouvoir leur faire entendre grand-chose. Hein. Ouais, Jean-Baptiste. Oui. Éteins tout. Bah, je vais aller essayer de trouver un endroit. C'est une bonne idée, moi. Pour hacker le son. Et mettre international yougovienne. Non, je vais faire mieux. Je vais mettre un discours du Joker. Oula. Il y a ça sur YouTube. Attends, lui, il va pas sur YouTube, lui. Sur le Joker, waouh. Sur Periscope, sur Telegram. Mais le MJ avait tout prévu, il a un discours du Joker. Exactement, je pense ça du tout. Et je vais essayer de voir si, tu sais, il y a des branchements, tu sais, il y a des trucs électriques, donc est-ce qu'ils branchent pas tous leurs téléphones sur des chargeurs pour récupérer toutes leurs données et les voler, en fait, prendre tout leur argent. Ok, il va falloir me donner une priorité. Priorité, changer le son et la musique, et après moi je me charge de leur voler leur argent sur leur compte en banque. On n'est pas là pour les dépouiller. Et s'ils sont jeunes, ils n'auront pas beaucoup d'argent, hein. je suis désolé. Le P des pécachiens de Stalingrad, voilà la vache, putain, ça doit être... Tu vas te faire 10 balles. En vrai, tu vas surtout devoir rembourser des dettes à la fin de... Ok, non, donc tu t'enfonces dans la foule. Pi, est-ce que tu le suis? Après tout, tu voulais vérifier, est-ce qu'ils ne deviennent pas... Par contre, je garde mon casque de moto à lapin. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui vont approcher et qui font « Ouais, mais... » Je suis à distance. Le DJ. Alors, Pi, tu le suis, je t'ai pas entendu, du coup. Oui, je le suis un peu à distance, juste que je le gardais à l'œil, quoi. Tu vois que... Pi, toi aussi, tu fais quand même de l'effet, t'es pas tout à fait masqué, mais t'as quand même ton demi-masque, comme tu me l'as dit, qui cache la partie modifiée de ton visage. Enfin, la partie modifiée, non pas modifiée, blessée. Brûlée, surtout. Chillée, ouais, brûlée. Et tu fais quand même de l'effet, il y a pas mal de gens qui te regardent. Trop dark, mec, génial. Ok. Merci. Donc tu t'intègres assez bien. Vous traversez un peu cette foule et vous cherchez un peu là où vous pouvez trouver ce qui semble être du matériel informatique ou peut-être directement la sono ou ce genre de choses, là où il y a le DJ. Et il se trouve que... peut-être que cette purée auditive, cette cacophonie que vous entendez, c'est pas seulement parce que vous aimez pas cette musique, en tout cas peut-être que certains d'entre vous l'aiment, mais c'est plus parce qu'en fait il doit y avoir une bonne dizaine de sets différents à travers tout le parc, enfin à travers tout le cirque. Et avec des musiques différentes qui se mélangent, qui sont discordantes ensemble, et toutes semblent venir en gros de leur propre source. Non, il semblerait pas leur système électrique uni. Chacun a son petit générateur dans la dans le van derrière avec le matériel informatique, chacun pour son propre set. Ça va être compliqué. Il y a après, pas un truc des générateurs physiques. On peut se séparer et aller empêter chacun. Oui, totalement. Il n'y a pas un truc qui les relie ou même des trucs, des serveurs à... Non, il semblerait que chacun soit... En fait, chaque DJ qui est venu là pour s'intégrer à la fête est venu avec son propre truc, avec son propre van. Mmh. Bah moi, je rentre dans le van du DJ là. Il n'y a pour ainsi dire pas d'organisation chez ces fans du Joker, c'est surprenant. Je vais rentrer dans le van du DJ. Ok, tu rentres dans le van du premier DJ que tu vois. C'est un mec qui a une espèce de crâne sur la tête avec des yeux rouges fluo. Il est comme ça, il te regarde, il te fait signe, genre en mode super, genre t'es, comme si t'allais te mettre à danser à côté de lui, t'étais là pour faire la fête. Et il continue genre à gérer ses plaques. Je vais mettre une de mes clés USB dessus. Et je vais le relier à mon téléphone pour pouvoir relier tous les autres clés USB et lancer un seul et même registre. Vu qu'il faut que je place un truc, tu sais, comme tu m'as dit, hein, une sorte de USB ou un truc comme ça. Ouais. Ok. Je vais te demander un premier jet de la session et de la campagne. Mesdames et messieurs, applaudissez. Ce jet est celui de l'attention, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à le faire discrètement. Le mec est en train lui aussi a sûrement déjà goûté à 2-3 choses, il n'est pas totalement là, mais comme tu es à côté de son poste de travail, il se pourrait qu'il te voit en train de brancher quelque chose. J'ai fait 29. Très bien. Là, si tu veux, tu peux venir. Non, c'est bon, c'est bon. Tu branches la clé USB, il te remarque pas du tout, il te passe un bras autour de l'épaule et il t'enjoint à danser un peu avec lui. Ce que je fais, c'est que je prends son épaule et ça va bras, je fais. Tu lui enlèves quoi. Ouais. Tu vois, je lui enlève, il en prend pas, il le prend pas pour lui quoi que ce soit. Il est habitué des fêtes, il y a des gens qui sont toujours un peu casse-couilles là, donc il t'ignore, t'es le casse-couille de service d'a priori. Donc il continue à danser. Tu as connecté ta petite clé USB, tu sors ton téléphone, tu ouvres ton logiciel et tu vois qu'en effet, il semblerait que maintenant, tu aies le contrôle de, en tout cas, de son à lui. Tu peux en faire ce que tu veux. Ok, je vais aller en mettre une autre dans les autres, tu sais, je vais en faire un par un. Ok. Je vais te demander, on va dire que je vais te demander 3 jets d'attention, tu vas me les donner ? On va voir comment on s'en sort et ce sera pour tout le reste. 39, 52 et 40. J'en ai qu'un seul qui a pas réussi, vu que j'ai moyen. Ok, très bien. Pendant que JB et Pi évoluent dans la foule, je vais demander à nos trois autres compagnons qui sont restés a priori un peu en arrière. S'il compte faire quelque chose de particulier pendant que le massacre est en cours. Je pense que moi je vais rester un peu planqué derrière et observer à droite à gauche que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gars armés qui puissent, je sais pas moi, faire une connerie ou autre. Tu vois, je pense que ça sert à rien qu'on fasse tous, je pense, 50 trucs en même temps, sinon ça va juste être le bordel. Donc je pense que je vais laisser les autres faire de mon côté et rester en retrait, mais tenter de... Et notamment, puisqu'on parle quand même de... Enfin, bon, la mission est quand même un peu chelou, hein. On l'a fait, mais en vrai, on sait pas trop pourquoi, même si on s'est mis d'accord dessus qu'il fallait mieux la faire. Donc, au cas où ce soit un piège, tu vois, j'essaie quand même de garder, tu vois, au cas où il y a des faux festivaliers qui d'un coup sortent des armes, des trucs comme ça, tu vois, ou qu'il y a du gaz qui commence à s'échapper d'une bouche d'égout, tu vois, ce genre de délire, et bah, j'essaie de guetter ça, moi, plutôt. Parce que de toute façon, j'ai perdu le Joker, c'est dans ma feuille perso, donc en plus, ça tient. Est-ce qu'il nous a filé ses masques à gaz ou pas? Parce que nous, on est dans la foule complète. Oui, je pense que vous êtes retrouvés, vous avez donné le matériel qu'il fallait à chacun. Parce que moi je suis un peu dans la même posture, donc moi je me suis rapproché pour surveiller un petit peu JB, voir ce qu'il fait. Mais en même temps, bon voilà, une fois qu'il a commencé à faire ses bidouilles, bon, je sais clairement qu'il n'est pas en train de prendre quoi que ce soit. J'en profite quand même aussi pour, moi aussi de mon côté, surveiller ce qui se passe, s'il y a des choses qui seraient suspectes dans la foule ou des déplacements qui sortent un peu du lot, quoi. Mais voilà. Et en même temps surveiller JB s'il n'a pas un souci ou si quelqu'un vient pas le voir pour l'emmerder. Ok. Marco et Yasmine. Pour le coup, Marco, lui, il va plutôt, il va pas rester sur les côtés, mais il va vraiment entrer en plein milieu de la rave. Mmh. Et en plein, en fait, il va enfiler une paire de gants en cuir. Et une fois qu'il va vraiment arriver, qu'il va se perdre un peu au centre et tout, il va juste s'arrêter, fermer les yeux et puis lever la tête. Les deux mains sur sa batte, un peu en mode... En fait, il essaie juste de faire le vide, de faire abstraction de ce qui se passe. Ok. Et voilà. Ok, donc Marco a sa propre scène où peu à peu la scène, la musique s'éteint. Et il est en silence et il y a un plan où du coup on le voit comme ça immobile en train de se préparer. Ouais, vraiment le type qui dénote totalement de la situation. C'est un vieux daron. C'est le père à qui c'est encore. Ouais, c'est ça, avec une batte de baseball. Très bien. Yasmine, de ton côté, qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je comptais aussi aller au milieu de la foule, mais juste pour profiter le temps que ça dure, en attendant qu'il se passe quelque chose. Okay. Ouais, je me mêlais un peu à mes chers concitoyens, quoi. Ok, très bien. Tu profites un peu, tu te laisses un peu transporter par, je dirais pas le rythme, les rythmes, vu qu'il y a plusieurs musiques qui s'entrecroisent. Tu t'imprègnes de l'ambiance. D'ailleurs, te voyant un peu écouter un peu comme ça, sans trop avoir l'air de rien faire en même temps, il y a un type qui se rapproche de toi. Un mec avec les cheveux longs dans tous les sens, il y a du vert, du violet, il y a un peu de rouge. Il arrive et il fait hey, « Hé, tu veux quelque chose ? J'ai tout, j'ai LSD, DMT, GHB, tout ce que tu veux. » Ok, t'as quoi d'autre comme lettre? De quoi? J'ai pas entendu. T'as quoi d'autre comme lettre? Ah, attends, j'entends pas, la musique est trop forte. Attends, je vais baisser le son de mon... mon Watch Together. Ok, je t'entends mieux, tu disais? Oui, tu as quoi d'autre comme lettre? Comme lettre, je dois avoir des... attends, des lettres... attends. C'est C-O-C-A-I-N-E. Ah mais là t'as juste écrit un mot, c'est pas drôle. Ouais, attends. J'ai... Mais tous les mots sont faits de lettres, non? Au final. Et puis... C'est le pire vendeur que j'ai jamais rencontré. Non mais, est-ce qu'on... Mais vendeur aussi t'es fait avec des lettres, est-ce qu'on n'est pas tous faits de lettres? T'as un peu raison là-dessus. HEC, après tout, c'est en trois lettres. C'est pas de commerce. Il me semble que c'est une école de commerce, sinon ma blague est... Tu vois qu'il a l'air de te regarder un peu les yeux dans le vide, enfin pas vraiment dans le vide, mais genre il est dans l'attente de voir si ça t'intéresse vraiment quelque chose. Et vu que t'as pas l'air de vouloir dire autre chose que se foutre de sa gueule, il dit ouais, va te déconstruire, et il s'en va. Non, en vrai je prends chose quelconque, genre MDMA, une connerie comme ça. MDMA, pourquoi j'ai pas pensé? C'est pour ça, à la base, que j'avais tendu la perche pour les lettres. Oh, mais, Excuse-moi, non, mais je suis complètement démonté. Mais oui. On peut dire que je suis complètement DMT. Allez, tiens. Je vais en prendre, et je vais compter sur le fait qu'il a l'air très sobre. Je sais pas s'il file gratuitement ou s'il vend. Mais s'il vend, je veux payer très très mal. Ok, très bien. Ben, il vend, donc tu... Donc je le paye très très mal. Tu payes très mal. Je sous-paye. Mais dans un naturel, hein, le plus total, tu vois, genre vraiment, je sors les vieux, je dis, ouais, vas-y, tiens. Et je paye genre maximum 5 balles. Tu vois qu'il prend, il regarde même pas tes billets. et il fait « Allez, merci, super poupée », et il s'en va. Comment ce type est rentable? Et du coup, je me rajoute un truc à ma scène. Je vais aller revendre à d'autres gens la MDM que j'ai acheté. Très bien. Tu vas faire des gens, tu l'as. Moi, je fais gaffe au prix, moi. D'ailleurs, en faisant ça, tu dis, pour avoir accepté sans regarder les billets, est-ce que c'est pas déjà ce qu'il faisait, lui? Est-ce qu'il s'est pas fait 5$ à partir de rien, là? Peut-être. Donc tu la revends. Et tu te fais un peu d'argent. Très bien. Parfait. JB, tu as donc... L'hymne de la Yougovine. De toute manière, on a dit qu'on ne mettait pas... JB ne mettait pas l'hymne de Yougovien. Non, il ne met pas l'hymne. Mais JB, donc, tu as maintenant le contrôle de la musique. Ce phénomène qu'on retrouve dans le monde entier par des cultures différentes, tu en as maintenant le contrôle. Et tu peux le faire disparaître la beauté de ce monde et le remplacer par un discours du Joker. Alors, je n'ai pas de discours du Joker en tant que musique, mais on va dire que j'ai quelque chose pour le remplacer avec quand même la voix du Joker. Ça fait quand même un peu musique, alors ce sera très bien. Je le mets. Très bien, tu le mets. Les gens, quand la musique s'arrête, sont pris d'une espèce de possession. Ils se mettent tous à hurler à la lune dans un oh. Et je monte le son. tu montes le son, tandis que le Joker commence à débiter des dingueries. T'as pris un extrait de la dernière fois qu'il a attaqué le grand journal TV. Et qu'il a fait un petit discours pour annoncer que bientôt, on allait découvrir que tous les bébés de la ville avaient été atteints du syndrome de on ne sait quoi, parce qu'il avait empoisonné l'hôpital depuis plusieurs mois. Tu mets ça, en tout cas. Et les gens qui commençaient à hurler à la lune et tout ça, en reconnaissant peu à peu cette voix, en se rendant compte de ce qu'ils entendent, commencent à devenir silencieux. Et... Il semblerait que t'aies pas tué la fête. Ils se mettent tous à danser, mais genre, pas comme une rave, juste à danser vraiment comme des espèces de gothiques défoncés, je veux dire, juste à se balancer comme ça, sur le son de la voix du Joker qui annonce que, à présent, à Gotham, il y a des bébés mourants. Et là, j'éteins. Ok, tu éteins. On va mettre ça. On se barre avec la JBL. en vrai, c'est un vrai plan. Hein. Vrai, je suis presque sûr que ça marche. Hein. JB, il l'accroche à sa moto. Et. Mais oui, je suis presque sûr. On fait truc et je suis sûr qu'on les déplace comme ça. Ok. Et on récupère le sous-marin qu'on avait et on les force à on les envoie se noyer. La musique s'arrête et ils se remettent de nouveau à hurler à la lune. Et ils hurlent et ils hurlent. Et il y a des gens un peu qui regardent un peu autour. Je vais passer à Ruby, à qui je vais demander un petit jet d'attention, justement. Ouais. Partons du principe que ce jet a été fait avant que le son soit coupé, parce qu'elle l'a observé dès le début. Rappelle-moi les dés, s'il te plaît. C'était des 100. Ok. Je m'amuse. Et après, à cacher je te dis... Attention. Alors, j'ai fait 21, et... Alors, je vois ma feuille, parce que j'ai fermé Google tout à l'heure. Tu as moyen. Exactement, je suis moyen. Je fais 21 quand même. Tu observes donc un peu autour et à la recherche un peu de tout ce que tu m'as dit. Et première chose, il semble pas qu'il y ait de sécurité ou ce genre de choses. Ce serait vraiment antinomique à l'esprit de la soirée. Oui, ouais, logique. Mais il y a quand même des gens inquiétants. En regardant un peu, tu vois que suspendu au milieu, enfin sous le carrousel, là où autrefois il y avait des petits chevaux et des petites voitures, ce genre de choses. Il y a plein d'espèces de punching balls qui sont suspendus. Et il y a pas mal de gens qui s'entraînent au couteau, à la batte de baseball, à la machette. T'as presque l'impression, quand il y a encore la musique, à travers quelques notes, d'entendre le bruit d'une tronçonneuse quelque part. Et plus, quand regarde, ouais. Plus tu vois des gens quand même qui aiment bien se balader en se servant de barres à mine comme une canne ou ce genre de choses. Disons que ça pourrait. C'est... Ça a l'air de pouvoir partir en émeute à n'importe quel moment. Mais ils ont l'air de danser aussi ou pas ? Comment ? Ils ont l'air de danser aussi ou pas ? Au moment où il y avait de la musique, ils dansaient, oui. Et quand et ça passe sur le discours du Joker. Ouais. Et puis soudainement, le discours du Joker est. Ils gueulent et puis ils restent silencieux aussi, ils écoutent. Et quand le son s'arrête complètement, ça ne leur plaît pas. Ça se voit. Ok. Je pense que. Est-ce que on n'avait pas un. Alors je sais plus à quel point. On est en quelle année dans Gotham ? Nous sommes actuellement en 2022. Nous sommes en effet en été 2022 et le soleil est à force de Gotham City. Mais c'est la nuit. Bah, je pense que je vais envoyer quand même dans la convo de groupe de tout le monde. Alors je sais pas si JB il aura l'occasion de le voir ce que je vois. À moins qu'on ait un petit système d'oreillette peut-être dans qu'elle a son casque. Ah, y a des chats qui se battent dans l'audio. Oui. Hop. Ouais, je pense que j'envoie un petit message quand même à tout le monde. Je suis à côté de. Normalement, je suis à côté de Pi, si je me dis pas de bêtises. Pi est plus proche de JB, il est un peu dans la foule. T'es plutôt. Disons que Yasmine est sûrement la personne la plus proche. Ok, bah je vais faire signe à Yasmine alors. Je veux dire, t'as vu les gars là-bas ? Bah, je sors de la foule du coup pour la rejoindre et je en regarde effet, les gars. D'un petit coup d'œil, ce n'est plus très difficile à remarquer maintenant quand le pointe du doigt. Alors, en même temps, censé être un gang. Hein, voilà. Ouais, mais la tronçonneuse, vraiment. Oh, honnêtement, je suis pas si surprise que ça, vu l'ambiance. D'ailleurs, contre, maintenant que c'est silencieux, vous l'entendez bien, cette tronçonneuse. Vraiment très très bien. Elle est toujours active là ? Genre, il fait quoi là, le mec à la tronçonneuse actuellement ? Genre, bah, vous ne le voyez pas, mais le son résonne. Parce qu'une tronçonneuse au repos, une tronçonneuse qui est en train de tronçonner, c'est pas le même. Elle n'est pas en train de tronçonner, c'est peut-être comme s'il se baladait avec la tronçonneuse allumée à travers toute la fête. Je me retourne un peu partout, j'essaie de le localiser, je sais pas si j'arrive à le voir. Ok. En vrai, j'étais déjà dans la foule, si tu veux, je pourrais me rapprocher si jamais tu le localises. Vous aventurez dans la foule pour regarder ? Ok. Comme elle veut. Vous aventurez un peu ? Ouais. C'est vraiment la pire décision à faire, mais c'est cinématographique. Après, après va, Marco est déjà dans la foule, j'étais dans la foule, Pi et JB sont plus ou moins dans la foule. De toute façon, on y est déjà. Hein. Non, mais surtout, en l'occurrence, on est venu avec des battes de baseball et des pistolets, mais bon, si les mecs sont surarmés... On nous avait parlé d'ados, mais il y a une différence entre des ados et des ados à la tronçonneuse. Ça vaut peut-être le coup, ça vaut peut-être le coup de légèrement faire le point, et puis normalement, on a des hommes quand même. Et au pire, on débarque à plusieurs, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, on s'est mis en tête qu'on allait faire ça à 5 parce que c'était tranquille, mais bon, je prends pas le risque de perdre un bras alors que je pourrais juste appeler mes potes et revenir dans une heure. Très bien. Vous aventurez donc un peu, vous en discutez un peu, vous aventurez dans la foule, pas très profondément, mais au moins le temps de voir si vous voyez pas le type. Et je vais vous demander à toutes les deux, dont Marco, de me faire, s'il vous plaît. Alors, toutes les deux, dont Marco. Tous les trois. Ouais. Marco ne s'est pas découvert transgenre, donc il n'a pas à changer de genre. Pire campagne du monde. Et de me faire du coup tous les trois un jet d'attention. 43, je suis toujours bon. 16, je sais pas ce que je suis. Moi j'ai 24 et je suis... Ah, je suis bon. Je suis bon aussi. Et 24. Ok. Et tu as fait combien, tu m'as dit, Ruby ? 16, non. 43. 43, ok. Eh bien, vous trouvez tous les trois, certains pour des raisons différentes, mais en tout cas, vous deux, les filles, vous découvrez, vous voyez, cet homme ou cet adolescent, on va dire, genre, c'est un adulte, mais qui est définitivement pas tout à fait adulte, complètement, qui est là, avec une tronçonneuse qui a été repeinte en violet, avec des petits sourires du Joker marqués dessus, dessinés dessus. Il a le visage caché derrière un grand sac à patates, où il y a un seul trou, où on voit seulement un de ses yeux. Et il est en train de chercher. Il est avec sa tronçonneuse, et il cherche autour de lui. A priori, lui qui devait sûrement danser, ou juste faire un petit spectacle, fait partie de ceux qui ont le moins apprécié le fait que la musique s'arrête. Et pourquoi... Donc là, on est arrivé au moment où, pour nous aussi, la musique s'arrête. La musique s'arrête. Et Marco, d'ailleurs, tu l'entends très bien parce qu'il n'est pas, si... il est pas au corps à corps avec toi, mais il est, on va dire, dans la poche de Jean dans laquelle tu te trouves. Après, il y a toujours l'option, on fait des tirs de sommation en l'air. Normalement, ça marche à tous les coups, les gens se barrent en courant, quoi. Moi, je devais me mettre derrière lui. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'un G ? Est-ce que c'est... ça se fait tout seul ? Tu veux te mettre derrière lui, genre vraiment juste ou aller juste derrière lui, ou genre être derrière lui, du genre être prêt à lui briser la nuque ? Je veux être dans son dos et quand même à une longueur de bras, on va dire de distance. Okay. Donc quand même proche, quoi, bien proche. Ok, je vais te demander un petit G de dextérité, je crois que c'est ça mon système ? Oui. Eh bien, j'ai fait 47 et je suis très bon. Très bien. Et tu te positionnes, tu le contournes, tu vois, tandis qu'il regarde un peu dans quelques directions à la recherche de gens qui ne ressembleraient pas à des gens qui viennent d'ici. Et il rate la seule personne à côté de lui qui ne ressemble pas du tout à un mec qui viendrait faire la fête d'ici, c'est toi. Tu passes derrière lui. Tu es à une distance de bras de sa personne. Tant d'autres darons aide. Eh bien, à ce moment-là, Marco, il va juste dégainer son Makarov très doucement, toujours en ayant les yeux fixes, et il va tirer une balle dans la tronçonneuse. Dans la tronçonneuse ? Oui. Bien. Ok. Eh bien, honnêtement, je ne vais pas te demander de G, parce que t'es à une distance d'un bras. Il n'est pas en train de se battre, de l'acheter dans tous les sens, quoi que ce soit, c'est simple. Tu pointes, tu tires. Il fait un grand mouvement avec ses bras, il a senti tout l'impact, il a lâché, en fait, la tronçonneuse au sol. Elle tombe au sol, toujours allumée, mais ne tournant pas. Mais je le défonce à coup de basse de baseball. Et tu l'attaques à batte de baseball. Il n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il était juste en train de regarder sa tronçonneuse comme si c'était elle qui, dans un mouvement, avait pris possession et avait tenté de s'enfuir. Et il prend le premier coup. Ils sont vraiment tous déglingués. Du côté de JB et Pi. Vous avez mis fin à la musique et vous avez entendu le son de sa tronçonneuse qui vient soudainement de s'arrêter. Ben non, elle continue en fait, elle est toujours allumée. Vous entendez la tronçonneuse et vous remarquez que autour de vous, les gens sont en train de chercher eux aussi. Qui fait ça ? Et le DJ au crâne. Vous le voyez, monté sur son van et vous croisez son regard de braise. Il vous pointe du doigt. Il a l'air de gueuler quelque chose, mais il est un peu loin de vous. Il y a beaucoup de gens qui hurlent, qui sont en mode « Qui a fait ça ?»« Bande de cons !» Vous n'entendez pas ce qu'il crie, mais les gens autour de lui ont sûrement entendu ce qu'il dit. Quand tu dis « Il nous pointe du doigt », tu parles de qui exactement ? De JB et Pi. Et moi. Et moi, je marmonne tout seul dans ma barbe. Mais putain, Marco. Ok. Du coup, j'appelle Rudy. JB. J'appelle JB quand même. Hein. J'appelle JB et je dis « Ramène-toi !» Je suis à côté de toi, arrête de crier. Oui, mais enfin bon, voilà, je te... C'est bon, ils sont inoffensifs, regarde. Et je tire l'arme automatique sur tout le monde. Je rigole. Non, non. Arrête, oui. Mais je cherche un haut-parleur, tu sais, est-ce que je peux prendre le contrôle avec, il a pas un micro, le DJ? Bah, j'ai enfin, un micro. Tu pourrais prendre le contrôle, en tout cas, tu pourrais faire entendre ta voix en tant que musique. Ok, bah je vais faire entendre ma voix. Ok. Je vais dire, cassez-vous de ce chapiteau, ceci est un dernier avertissement avant qu'on revienne dans une heure, et avant qu'on vous boute le cul. On travaille pour le Joker, donc dégagez. Première sommation. Ok. Et on n'hésitera pas de tuer des gamins. Ok, fais-moi, s'il te plaît, un jet de pouvoir. J'ai fait 10. Ok. Je vais arrêter de jouer à M&D, en fait. Tu vois que du coup, tu donnes l'ordre. Vous, Yasmine et Ruby, vous étiez prêts à commencer à en découdre, tandis que Marco est en train, en fait, de mettre cet adolescent sous terre. Et vous avez entendu la voix, du coup, de JB qui a résonné, menaçant tout le monde de partir. Et il y a un grand silence qui s'impose. Peut-être même que Marco, peut-être que tu t'arrêtes avec ta batte de baseball en l'air, histoire de voir s'il se passe quelque chose, je ne sais pas. Ouais, clairement, c'est quand même surprenant cette intervention de JB, donc je m'arrête dans mon futur labeur. Tu t'arrêtes. Il y a le mec juste en dessous de toi qui a genre les bras levés comme ce pour protéger le visage que tu as déjà bien amoché à travers son sac à patates. Lui, il n'a pas eu de premier avertissement. Oui, il n'a pas eu droit à un avertissement. Et vous voyez qu'il y a des gens qui se regardent, il y a l'air d'avoir une petite ambiance froide qui s'est quand même installée. Il y a des gens qui marmonnent, des gens qui parlent un peu à haute voix. Et vous voyez que il y a l'air d'avoir des gens qui disent « Viens, viens, on dégage. Je veux pas crever aujourd'hui, moi. » Et il y a pas mal de gens qui partent, mais il y en a d'autres, parce que ça ne marche quand même pas sur tout le monde, qui restent et qui sont en mode « Et qu'ils viennent ! Et qu'ils viennent ! Et qu'ils viennent !» Et ils se mettent à chanter comme dans un chant rituel. Ils n'ont pas l'air très impressionnés, mais on va dire qu'ils sont à présent pas beaucoup. Vous pouvez vous en occuper. Ils sont, une trentaine. Ils étaient combien de base ? Trop pour être comptés. Moi, bon, Marco, il agit beaucoup, donc je veux bien laisser l'initiative à d'autres personnes si jamais. Mais si jamais il se passe rien, Marco il va se rediriger vers l'endroit d'où il venait, s'il arrive à déterminer où est-ce que c'était. Et à peu près quand il revient d'où est-ce qu'on s'était quitté, il lève le flingue en l'air et une petite rafale, 3-4 coups, ça devrait suffire. Ok. Tu tires une rafale en l'air. Parmi la trentaine de gens qui sont là. Ok. Il y en a quelques-uns qui se baissent un peu et qui se relèvent et qui sprintent dans plein de directions différentes. Pas pour s'enfuir, pour se mettre à l'abri. Dans le sens, rester sur les lieux et l'occuper manu militari. Mais ils sont partis se mettre à l'abri à présent. Ils disparaissent. Dans cet endroit qui est maintenant bien désert, le sol jonché de journaux, de couvertures, de sacs de couchage déchirés, de gens affalés au sol qui sûrement, s'ils étaient encore conscients, seraient partis avec tout ça, mais qui n'ont pas l'air tout à fait de ce monde, sans dire qu'ils sont morts. Alors, je vois que vous n'avez pas compris les 30 derniers. Il n'y a plus de dernier avertissement. On va juste vous dégager par la force. Ok. Alors que tu prononces ces mots, tu commences à te rendre compte que maintenant qu'il n'y a plus tous ces gens autour de vous, vous notez quand même vachement à être les derniers, à être droit comme ça au milieu de cette scène vide. Et alors que tu fais tes menaces, parlant de ton téléphone, tu te rends compte que si parmi ces 30, il y en a qui vous observent, ils savent à coup sûr que c'est toi qui es en train de parler. Et cela ne manque pas de se faire savoir, car tu entends le sifflement d'une balle passer non loin de toi. Fissou ! D'autres vont suivre. Je prends le mini, mais je pose mon téléphone là, vu que je peux le capter avec mon casque. Je prends mes usis, je tire dans le tas en fait, j'en ai rien à foutre en fait. Dans quel tas ? Bah là où ils se sont cachés et tout ça, pour leur montrer que j'en ai rien à foutre. Ils sont partis dans toutes les directions en réalité. Il n'y en a pas un qui est visible ? Non. Ok, bah je vais me mettre à couvert. Ouais, et mais peut-être pu voir le mec qui tirait, mais tu es en train de parler dans ton téléphone. Est-ce que moi, j'ai eu l'occasion, avec tout ça, vu que je ne me suis pas forcément occupé de JB, mais plus de ce qui se passait autour, de voir à peu près dans quelle direction certains sont partis, si j'en ai vu, ou je pourrais deviner qu'il y en ait ou pas. Ouais. Je vais te demander un jet d'attention, et à tous ceux qui auraient voulu aussi regarder, en sachant que vous êtes tous maintenant... seul au milieu du vide, hein, donc vous êtes parfaitement visible. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer que sur le film. Excuse-moi, c'est pour regarder quoi, j'ai pas bien compris. Voir si vous avez pu voir les gens cachés, pour ainsi dire, ceux qui sont en train de tirer, qui ont tiré, ou ce genre de choses. Ok, bon, je vais essayer. Mais... Ok. Alors, attends, du coup, je sais pas du tout ma fiche. Je pense que je vais essayer de les repérer aussi, hein. Et puis j'ai le silencieux. Hein. Mm-hmm. Ce sera plus voir le coup d'avoir un sniper, peut-être. J'ai de l'attention, du coup ? Attention. 29. Toujours bon. Ok. J'ai 49, moi. Ok, et tu as... Je crois 40, en attention. Tu as attention, tu as bon. Ah, j'ai bon. Ouais. Vous observez, je crois que vous avez tous les trois, du coup, réussi. Marco, non, pas ça. Moi. Marco, lui, pas n'a moi, pas réussi. Moi. Je sais que bon. Donc ça fait 3 sur 4. Ok. Marco, toi, tu as été déconcentré par le gamin, pour ainsi dire, qui est à tes pieds, qui, après que tu es arrêté et que tu es tiré une rafale, en fait, s'est relevé et a commencé à fuir, du coup, pour quitter la scène. Et tu l'as... Ce mouvement si proche de toi, ce genre de choses, ça a forcément attiré ton regard, histoire de le surveiller s'il ne te réattaquait pas. Et tu l'as regardé fuir, ratant du regard, du coup, les autres... qui sont de véritables dangers. Pour ce qui est des autres, Depi, Ruby et Yasmine, vous avez pu observer non seulement le tireur qui est caché derrière le canon, celui qui est censé tirer quelqu'un dans le ciel à grande distance avec un casque, il est caché là derrière. Et vous avez pu voir deux autres personnes qui ont l'air armées, peut-être pas d'armes à feu, difficile à dire, dans les gradins, cachés derrière plein de petits de clowns en pancarte, taille humaine, ce genre de choses, qui ont rempli les gradins du cirque. Vous les avez donc repérés. Okay. Moi, je me dirigeais vers les gradins. Par rapport à moi, ils sont... Quel est le plus proche, par rapport à ce que j'ai trouvé? Ok. Le plus proche de toi, c'en est sûrement un qui est... Alors attends, t'étais avec JB, donc t'étais sûrement pas mal au milieu, vu que c'est là où il y avait tous les trucs de sono. Ouais. Donc le plus proche, en fait, c'est celui qui est caché derrière le canon et qui vient d'essayer de tirer sur JB. Je ne serais bien... J'aurais bien essayé de me rapprocher de lui, d'essayer de me rapprocher en restant quand même le plus possible à l'abri de tir, pour pouvoir après trouver un meilleur angle, enfin trouver un angle pour pouvoir tirer sur lui. Ok. Profitant de toute ta discrétion, donc tu t'aventures à travers les débris qui occupent le centre du cirque. Mmh. Essayons de te rapprocher le plus possible de cette personne sans te faire repérer et d'arriver le plus éloigné de sa ligne de mire, évidemment. Oui, oui. Pendant ce temps, JB, tu es frôlé par une deuxième balle. Il semble que ces gens ne savent pas tirer, ou en tout cas sont dans des états qui les empêchent de tirer très efficacement pour le moment. Une deuxième balle qui te rate. Ce que je fais, c'est que je vais me diriger vers une des caravanes où certains se sont cachés pour les buter... Avec les mini-usines, j'en ai rien à foutre que ce soit des ados ou des adultes. Pour moi, c'est une menace, donc... Ok. On va traiter la menace. Tu te diriges rapidement vers un des vans, dans lesquels se cache sûrement peut-être un des DJ ou d'autres personnes. Et tu vois que les portes ont été fermées, t'essayes de l'ouvrir. Ça a l'air d'être fermé à clé. Cependant... Exactement, c'est bien ce que je me disais. Tu pointes ton mini-usine vers la portière de la caravane, enfin, du van... Et le van devient un gruyère. Aucun son n'en émane. Mais les gens qui étaient à l'intérieur, s'il y en avait, n'y ont de toute évidence pas échappé. Je recharge mon autre menuzi et je vais faire le tour des caravanes. J'en ai rien à foutre. Exactement. Ruby et Yasmine, vous remarquez un deuxième homme qui s'est levé, sorti derrière un des gradins. C'est celui qui a essayé de tirer une deuxième balle sur JB. Puis un troisième, qui tire une troisième balle là où était JB, s'attendant sûrement à ce qu'il y était encore, alors qu'il s'est éloigné. Mais ayant maintenant pu regarder dans, votre direction, enfin, dans la direction du paysage, ils savent où sont, où vous êtes chacun. La prochaine fois qu'ils se révèlent, ils tireront sûrement juste. Okay, très bien. Alors mon plan, c'est de les désorienter. Donc je me casse, je bouge. Okay. Et je leur tire dessus depuis un angle différent. Et puisque j'ai un silencieux, normalement ils sont censés être désorientés. Enfin, en tout cas, c'est okay. ce à quoi j'aspire. Ils savent qu'ils se font tirer dessus, hein, ils auront bien compris. Mais ils ne sauront pas peut-être exactement d'où est-ce que je viens. Et en plus, il fait nuit. Ok, ok. Tu t'éloignes donc de l'endroit où tu étais, tu tires depuis les ombres, les désorientant, en quelque sorte un tir de couverture au final. Oui. Yasmine ? Moi, je comptais, bah, en fait, comme dit, foncer dans les gradins. Le principe est de les désorienter bah, d'une autre façon, mais moi, de me cacher et tirer de manière planquée. Okay. Le principe, c'était de les rejoindre pendant qu'ils étaient cachés en bas, pour que je vois qu'ils se lèvent, un, je ne suis plus à la même situation, et deux, que je puisse me rapprocher et... Ok, d'accord. Profitant du tir de couverture de Ruby, tu te rapproches des gradins, tirant d'autres tirs de couverture et finalement réussissant à arriver à l'escalier qui mène vers les gradins, t'assurant un tir efficace la prochaine fois que quelqu'un sort sa tête. Marco, tu as eu un peu de mal à démarrer, c'est vrai, le gars à tes pieds t'a pas mal déconcentré, mais maintenant... que d'autres balles ont été tirées, tu es parfaitement dans la bataille. Tu as pu remarquer les gens cachés dans les gradins. Tu as pu remarquer Jean-Baptiste faire vivre aux vannes ce que tu as fait vivre il y a un an à un bar irlandais. Tu es maintenant prêt au combat. Okay. Moi, il m'a pris la méthode yougovienne, je le fais. Hein. Est-ce qu'il y a un quelconque couvert qui saute devant nous ou il y a vraiment, vu que c'est un cirque, c'est qu'un endroit ouvert, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se mettre à couvert éventuellement quand même ? Il y a des sonos installés un peu partout et ce genre de choses. Il y a toujours moyen de se mettre à couvert. Ok, bah d'abord je vais tenter de rusher ça surtout, quitte à courir, qui s'éloigner ou quoi. Et ensuite essayer de canarder un peu effectivement là où on nous tire dessus. Depuis on nous tire. Ok. Tu vas donc te mettre à l'abri et tu tires dans leur direction. Je ne vous demande pas pour l'instant de jet de tir parce que tout simplement ils ne se révèlent pas, a priori, ils restent cachés derrière leur protection, quelle qu'elle soit. Après vos tirs, après qu'elle commence à faiblir, vous n'entendez a priori plus rien. Est-ce que vous les avez tués par erreur ? Est-ce qu'ils se sont endormis ? En tout cas, ils ne semblent pas vouloir répondre. Puis, toi, tu finis par arriver bien avec une vue claire sur l'homme caché derrière le canon, et tu le vois, assis sur son cul, en train de regarder son flingue, en train d'essayer de le taper pour essayer de le faire fonctionner. Tu remarques qu'au sol, entre ses jambes, il y a un chargeur, a priori vide. Et il a l'air de pas être en train d'arriver à enclencher un nouveau chargeur à l'intérieur. Il a l'air d'être bloqué. Il t'a pas remarqué. Je suis à quelle distance à peu près de lui ? Tu es... Alors, voyons voir. Tu dois être à 5 mètres, je dirais. Ouais, donc je suis assez proche, quoi. Genre... Ouais, ouais. Tu es arrivé caché derrière une espèce de sono, et t'as vu directement sur lui. En fait, tu es derrière le canon, t'es derrière lui, derrière le canon. Donc t'as vu et directement bah, du coup, vers lui. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais arriver derrière lui discrètement, et lui mettre un coup de crosse derrière la tête, en fait, pendant qu'il lui, il est concentré sur ce qu'il essaie de faire. Pour je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Okay. 45 et j'ai très bon. Ok. T'arrives derrière lui. Tu vois qu'au dernier moment, il se rend compte de ta présence. Il relève la tête. Il n'a pas le temps de la tourner vers toi. Tu donnes un grand coup à de sa tête. Mm. Il n'est plus des nôtres. Et je vais récupérer son arme. Je sais pas ce que c'est. Et enclencher comme il faut le chargeur. Ok. Tu vois que ce n'est vraiment pas difficile. Bah voilà, je lui pique son arme. Du coup, ça m'en fait deux. Je sais pas ce que c'était. Très bien. Ruby et Marco, vu que Yasmine n'est pas là pour le moment, vous voyez, alors que a priori du mouvement se refait à nouveau au milieu de l'arène, a priori quelqu'un vient de mettre KO un de vos ennemis, vous voyez sortir de derrière leur rempart, derrière tous ces clowns en pancarte et de ces faux tigres et faux lions, trois tireurs qui sortent la tête. Je vous laisse me dire ce que vous en faites. Bon, soit on tente de les buter, soit on se replie et on débarque plus tard avec du monde. Est-ce que c'est vraiment le coup de risquer de se prendre une balle là maintenant? Après, en même temps, la fuite là ça devient compliqué aussi, quoi. Faut attaquer. Personne n'aurait une grenade ou un truc comme ça. Aucune grenade. On aurait dû. On va canarder. Hein. On va canarder. Faites-moi. Tiens, si dans les armes qui. J'ai rien dit. Vas-y. Ok. Faites-moi, pour les gens qui canardent donc de la direction de ces gens qui ont rêvé leur tête, un jet de... Ah, c'est quoi vos armes déjà? Ouais, c'est des petits flingues, c'est ça? Ouais, ouais, ouais, c'est pistolet de points. Et bien de... attention, on va dire, pour pouvoir bien les viser. Les gens qui ont rêvé leur tête, c'est gens des gradins ou pas aussi? Ouais, c'est les gens des gradins, il y en a trois. Ok. Et du coup, tu n'étais pas là, mais ils se sont révélés, et toi aussi, tu as vu sur eux, vu que tu es la plus proche des gradins. Ok, bah j'ai fait 19. Okay. J'ai fait 66, ce qui n'est pas terrible, je suis bon, mais puisque 66, c'est quand même un... l'ordre bah, le 66. Le joker te donne un bonus supplémentaire sur 66. Ok, très bien. Yugovi, quel est ton score? C'est donc de 45. Ok. Et tu avais... Bon, ok. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes trois. Ils sont trois. Et au moment où ils sortent la tête, vous pointez leurs armes dans leur direction. Trois hommes sont morts. Ok, génial. Il faut dire que vous en avez de l'expérience. On n'est plus à cette époque où vous étiez jeté tête la première dans le Robinson Park contre cette espèce de secte bizarre que vous deviez affronter pour prouver votre valeur. Maintenant, vous savez vous débrouiller. Mais, ce n'est pas la fin. En effet, si les tireurs, a priori, ne sont tous morts, en tout cas pour ceux qui s'étaient révélés dès le début, entre en scène une autre personne, sortant de sous les gradins, là où il y avait sûrement des loges et ce genre de choses. C'est une personne en armure, recouvert avec une espèce de gilet pare-balles et sur ses membres plein d'espèces de... presque des morceaux d'armure médiévale en fait, mais fait à partir de tout et n'importe quoi. Vous voyez qu'il y a même un bouclier qui a un panneau stop. Ce genre de choses, et la tête dans un casque qui est une espèce de casque de CRS qui a été repeint. Et la visière sur laquelle a été fait un grand sourire. Pour ceux qui auront la vue la plus affûtée, vous remarquerez que là-dessous, il y a une femme. A priori, la fameuse Starlet qui a relancé le mouvement et qui avait l'air d'être présente ce soir-là. Entre ses deux mains, une Kalachnikov. Et elle va faire un G. Hop, je relance. Ok. Vous avez de la chance. Il semblerait que tout le monde est mauvais dans cette fête. Dans un espèce de grand hurlement de guerre, aigu mais définitivement guerrier, elle tire, lançant une grande rafale qui part de ses pieds à sa droite vers le ciel à sa gauche. Aucune balle ne vous touche, mais vous les entendez toutes siffler. La deuxième sera sûrement un peu plus précis, j'espère. Moi, je prends mes deux Uzi, je lui tire dessus avec toutes les rafales dessus. Ok. Je vais te demander un jet de dextérité, parce qu'il est ici question, on va dire, de rapidité, parce qu'elle elle n'a pas terminé. J'ai fait 6. 0-0 et 1-6. Si tu veux venir voir. Non, on n'a pas besoin de venir voir. Je crois que la première session va être bien, la deuxième session. Très bien. Tu tires avec tes... Tu pointes tes deux Uzi immédiatement dans sa direction avant même qu'elle ait fini de terminer sa rafale et tu lances tes propres rafales. Tu vides tes chargeurs. Elles tombent au sol. Mais elles ne sont pas mortes. Quoi que ce soit qu'elle ait sur elle, il doit y avoir plusieurs couches en dessous. Je vais me remettre à recharger. Mais elle tourne, elle roule sur le sol et elle tire une deuxième rafale en repointant l'arme vaguement dans votre direction. Mais cette fois-ci, ça part de ses pieds à gauche pour terminer dans le ciel à droite. Aucune balle ne vous touche, mais vous les entendez toutes siffler autour de vous. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'agir. Vous avez 5 secondes pour vous déclencher. 5. Je vais foncer sur le L et la tabasser à coup de baseball. De balle baseball. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de... attends, pour se jeter sur elle. Je vais te demander un jet... Tu sais quoi, je vais te demander un jet d'effort parce que je vais partir du principe que c'est se jeter sur elle et la ruer de coup. Ok. On va tout faire en un jet. C'est 17 sur... Ok. Vous êtes en feu ce soir pour cette première session, c'est incroyable. Ouais, moyen. Tu te jettes sur elle, tu t'es mis à courir alors qu'elle vient de terminer sa seconde rafale. T'arrives au-dessus d'elle. D'un grand coup de baseball, tu tapes un premier coup. Elle tente de se protéger avec son arme, avec sa Kalachnikov. Elle la lève au ciel. Tu donnes un grand coup à l'intérieur. Un premier coup sur l'arme, un deuxième coup sur l'arme. Elle finit par la lâcher. L'arme sûrement... bien amoché. Et tu en donnes un deuxième, un troisième. Tu sais que, de toute évidence, il va falloir taper bien fort et à plusieurs reprises parce que elle est bien protégée. Tu tapes encore et encore et encore. Et tu la vois qui tente d'aller atteindre quelque chose à sa ceinture, mais d'un grand coup de baseball, tu tapes sur son bras, tu éloignes le bras de sa ceinture. Là où tu y vois ce qui semblait être sûrement un espèce de surin. Et tu continues à taper, et à taper, et à taper. Et en fait, elle se roule sur elle-même, elle essaye de se défendre, de donner des coups dans le vide, mais elle n'est pas capable de t'atteindre. Mais elle ne veut pas mourir. Quelqu'un d'autre va agir ? Je vais m'avancer. Quelqu'un d'autre que toi, parce que t'as déjà fait quelque chose. Je vais jeter un œil autour, voir s'il n'y a pas d'autres menaces. Ok. Tu regardes autour, fais manger d'attention. Mieux ça. 47. Ok, 47, et tu as. J'ai bon. Tu as bon. Tu as bon ? Ah oui, bon. Non, mais j'étais sur Jean-Baptiste, en effet. Ok. Tu regardes aux alentours, a priori, s'il y a des gens, personne n'ose regarder. Ok. Personne n'ose se manifester. Bah, du coup, je vais juste balayer en gros la zone avec les flingues. Exactement. En essayant de regarder si jamais quelqu'un vient bouger. Tu tombes sur toi-même en plein milieu de ce cirque, à travers tous les gradins, comme ça, en train de regarder. Ça, c'est en mode... C'est ça. Et elle aussi va encore essayer d'agir, et avec sa deuxième main, celle qui n'a pas été visée par les coups de batte de baseball, elle semble aller essayer de chercher quelque chose à sa botte, mais encore d'un grand coup de baseball, Marco, tu l'empêches de récupérer ce qui semble être un deuxième surin ou quelque chose du genre. Elle fait des jets de merde. Et c'est à quelqu'un d'autre d'agir. Est-ce que j'ai une vue depuis là où je suis ? Tu as une vue. Dans ce cas-là, je vais essayer de tirer dessus. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un jet. T'essayes de viser juste vraiment comme ça ou t'essayes de viser précisément quelque chose ? Comme ça. Bah, de ce que j'ai compris, je suis quand même assez loin, donc je vais éviter de jouer les snipers et juste mon flingue. Bah, ok. Donc non, j'essaie juste de viser. Au pire, si ça touche dans la jambe, ça la fera quand même mal. Ça sera quand même avantageux. Je touche déjà bien. Et j'ai fait 29. Ok. Tu tires dans cette direction. Tu entends, et Marco aussi entend, le bruit d'un impact sur le métal de son armure. Ça a touché, mais ça ne l'a pas atteint. C'est pas grave. On l'aura à l'usure. De son côté, elle va lever les bras en l'air une dernière fois, alors que Marco, tu continues à la ruer de coups de batte de baseball. C'est incroyable. Si tu te mettais au baseball maintenant, tu serais sûrement champion du monde tant que tu as pratiqué. Et de ses deux mains, elle finit par prêter ta batte de baseball. Avec tous ses coups, il fallait forcément que ça arrive à un moment. Est-ce que je peux... Elle n'a pas les mains à vif, elle n'a pas juste sa peau, elle a des espèces de gants, a priori, des gants coquelés, coquets, ce genre de choses. Elle attrape la batte de baseball et elle essaye de l'arracher de tes mains. Elle n'a pas réussi, mais elle est en lutte et elle se révèle peut-être plus forte que ce que tu pouvais penser. Sans partir du principe machiste yougovien, que voilà. Mais... J'allais dire... Elle va à la salle. Est-ce que je peux jeter, mais je pense que c'est un plan de merde parce qu'il a tiré dedans. Je voulais jeter la tronçonneuse à Marco pour qu'il fasse une espèce de finish, mais il a tiré dedans, il avait défoncé la tronçonneuse. La tronçonneuse, je l'ai précisé, la tronçonneuse faisait toujours du bruit, donc techniquement elle fonctionne toujours. Vas-y, de toute façon, j'ai rien de mieux sous la main, je lui jette la tronçonneuse. Marco! Ok. Je vais te demander un petit. Échec critique, je le décapite. Je vais te demander. Marco, regarde! Un petit G, s'il te plaît, de... Dans force, effort, constitution... Ouais, allez, c'est lancer une tronçonneuse, c'est quand même pas rien. Je vais te demander un G d'effort. Oh, alors, effort, ça va, c'est ça. Ouais, effort. 55, et G... Très mauvais, merde. avec un peu de chance, je la touche, elle meurt, et je dis que c'était ce que je voulais faire. Sur le pied, ouais. T'as fait un jet. 55, très mauvais. Très mauvais. Ok, d'accord, 55, j'avais pas entendu. Excuse-moi. T'inquiète. C'était pas volontaire. Je disais, je suis dans la merde. Mais c'est la même finalité, okay. Au final. Tu fais Marco attrape et tu jettes la tronçonneuse peut-être un demi-mètre plus loin, 2 mètres. T'as mal. Il fallait peut-être que tu tournes un peu plus sur toi-même avant de la balancer aussi loin. Marco, tu relèves le regard dans la direction du coup de Ruby qui t'a appelé, inévitablement, qui t'a dit attrape, t'étais prêt à attraper quelque chose, mais... Sorry. Il n'y a rien à attraper. Et, attention, j'espère qu'il va faire un bon jeu cette fois parce que, honnêtement... Arrache la batte des mains. Putain, Marco qui va crever, c'est sur une à cause de moi. Un plaisir. Ok. Elle est tellement merdique que non. Non, ça n'arrivera pas. Donc Marco, tu lèves le regard prêt à attraper quelque chose, ce qui te déconcentre à peine un peu. Elle prend de manière plus serrée ta batte de baseball, essaye de te la retirer, mais glisse, lâche entièrement ta batte de baseball, et de nouveau, à ta merci. Mets-lui des grands shoots dans la tête. Elle est mauvaise, cette meuf. Elle est terriblement mauvaise. Ils sont tous mauvais, ils sont tous sous drogue. Vous avez le droit de faire une action de nouveau, n'importe qui, vu que c'est reparti. Moi, je vais m'avancer pour aider Marco. Ok. Tu te rapproches avec tes deux Uzi, un Uzi dans chaque main. Et dès que je serai près d'elle, je vais juste ouvrir la visière et je vais mettre les deux Uzi sur la gueule et lui dire maintenant tu t'arrêtes. Si tu veux ouvrir la visière, j'ai besoin d'une précision. Est-ce que Marco, tu reprends les coups une fois qu'elle a raté, qu'elle a lâché la batte de baseball ou pas? Parce que si tu reprends les coups, je pars du principe que JB va pas essayer d'enlever la visière. Sauf s'il me dira le contraire, mais ça c'est lui qui décidera. Mais d'abord ton information. Je suis un peu teubé, tu sais. Marco, on t'entend pas. Ah, ça, je t'ai pas entendu, excuse-moi. Ouais. Tu as dit. Est-ce que, à partir du moment où elle a raté de t'enlever la batte de baseball, où elle a lâché, t'as repris les coups, ou est-ce que bien t'es sûr, t'as arrêté? Excuse-moi. Okay. D'accord. JB, sachant qu'il y a des coups qui lui tombent dessus à plein d'endroits différents, est-ce que tu veux quand même essayer d'aller lui retirer la visière? Non, tu sais, je vais faire comme ça à Marco, lui demander de retirer la visière. Parce que depuis tout à l'heure, on la tabasse et tout ça, mais il y a la visière, quoi. Je m'exécute. Ok. Mais tu sais, j'ai toujours mes armes comme ça. Oh, donc... c'est un bon moment. Le moment où, Marco, tu arrêtes de donner des grands coups dans cette personne, du coup, la libérant un peu dans... de pouvoir se mouvoir, tu vas pour prendre sa visière et lui ouvrir. C'est le moment où, dans un espèce de grand mouvement étrangement plus agile que ce que pourrait le souligner son armure, ses deux jambes se referment sur ton bras. Dans une espèce de grand mouvement de gymnastique. Et elle t'entraîne avec toi dans son mouvement. Tu tombes sur le côté, sur ton flanc. Et elle roule pour se retrouver au-dessus de toi. Un surin sous ta gorge. Je fous un Uzi sur la tempe. Et un autre, c'est, vu que c'est des casques, ici là. Et je dis maintenant t'arrêtes. Et tu nous écoutes. Sinon j'envoie la sauce et j'en ai rien à foutre que tu sois une gonzesse ou pas. Et de suite. Ok. Elle s'arrête. Étrangement. Elle était bien partie. Elle s'arrête, elle tourne un peu la tête vers toi. Et elle fait bravo, c'est très féministe. Et elle part pour aller commencer à entrouvrir la gorge de Marco. Je vais te laisser. Fais-moi un jet, s'il te plaît, Monsieur Uzi, Jean-Baptiste, qui va décider de si tu tires assez vite ou pas. C'est... Je fais un jet de quoi? Un jet de, bah, de dextérité, du coup. 18. Non, mais c'est vrai, là, je déconne pas, là, je fais que des bons jets. Vous allez voir, la deuxième session, ça va être que de la merde. Ok, tu tires. Marco, toi qui du coup t'étais retrouvé sans trop comprendre sur le dos, avec elle qui était prête à t'ouvrir la gorge, tu vois sa tête se faire cribler de balles de Uzi, son casque en fait s'ouvrir littéralement sous les impacts des balles, puis le bouquet de sang. Et elle s'effondre, juste à côté de toi, sans avoir pu t'entailler, cependant tu restes recouvert de sang. Pas le tien. Je tends ma main à Marco, je fais « ça va ?» Pas à cause de toi, imbécile. Bah, t'allais me crever, donc je suis désolé, j'ai fait ça, sinon je te laissais te faire égorger par une femme. Ouais. Sauf si les Yougoviens aiment bien se faire tuer par des femmes, donc quand même, je pourrais lui te laisser. Je suis en colère. Oh, c'est bon, une bonne bière et c'est reparti, non? Les autres, regardant un peu aux alentours pour vérifier que rien de suspect ne se révèle, vous finissez par en conclure que s'il y avait toujours combattants sur les lieux, le fait de voir ce qui semble être leur leaders déjà se faire ruer de coups les a démotivés et finalement la voir mourir les a fait fuir. Plus aucun tir ne résonne, plus aucun bruit. La zone est entièrement en vide. Résonne peut-être encore le son d'un peu de musique venant de quelques voitures qui ont été laissées là, les portières ouvertes et la radio à fond. Mais plus personne. Vous avez rempli votre mission. On va se boire un coup ? Eh, vous voyez, pour une fois, je dis pas qu'on va se droguer. Vous avez vu, j'ai changé de mentalité. Vous finissez, vous quittez les lieux assez rapidement. Il faut dire qu'une fusillade comme ça, ça amène forcément la police. Donc on va pas rester là. Et prenant votre voiture et votre moto, vous partez. Vous faites sûrement deux chemins différents pour être sûr, au cas où, si quelqu'un se fait suivre, qu'il y en a au moins un qui reste en vie. Et on est en liberté. Ce que je fais, c'est que je passe près de la, c'est près de la flotte et je balance mes Uzi, mes Uzi et tout ça et les autres armes que j'avais et je continue à tracer. Vous vous débarrassez tous un peu de tout ce que vous avez utilisé. Quand je dis débarrasser, ça veut pas forcément dire les jeter, peut-être les remettre dans votre planque. C'est aussi une possibilité. Ça dépend de vos méthodes. Mais vous. C'est sur ça que vous vous quittez, techniquement. Vous vous retrouvez peut-être un peu plus loin pour aller boire un coup, peut-être au Warrior Alibi, ce genre de choses. Warrior Alibi, oui. Mais... Bah, de toute façon, on a passé la soirée au Warrior Alibi, donc c'est normal qu'on nous y aperçoive en train de boire des coups. Exactement. Et d'ailleurs, on a demandé à ce que l'heure du Warrior Alibi de l'horloge soit modifiée un peu avant la mission. Et tous les gens qui branchent leur téléphone, pareil, ça fait un changement d'heure. Comme ça, ça permet de négocier en cas de souci. Allez, je l'accorde, c'est parfait. Il rentre dans le bar tout à l'heure qui change. Oh putain, je suis passé à Tokyo. C'est bizarre. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. C'est à l'heure du Haralubi. Vous vous retrouvez où les fuseaux horaires ne sont pas trop euclidiens. Et. Une nuit noire, il y a marqué 15h30. Ah, nous on était là-bas tout l'après-midi. Hein. Vous passez devant un des fameux policiers qui s'est installé dans le quartier, qui est là pour boire un verre. Mais il n'est pas, il ne vous regarde même pas, il est en train de se morfondre. Sa femme l'a sûrement quitté, encore. Il y a encore des chats dans la Horror Alibi. Ouais, décidément. Attendez, on va mettre une musique dans la Horror Alibi. Mais ça, c'est les chats de la nouvelle colocataire au troisième étage, là. Exactement. Vous avez dit qu'il fallait pas qu'on se loue. Non, mais le logo vient, elle a le droit. Ouais, sachant qu'on se loue, alors que nous, on est obligé de faire des colocations parce qu'il n'y avait pas cette place. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je tiens à dire. Écoutez, ouais. J'ai téléchargé une formation sur l'entrepreneuriat. Faites-moi confiance. Vous buvez un verre à la santé d'un peu tout le monde, histoire que tout le monde vous voit aussi. Après tout, il faut que les clients puissent vous voir, qu'il y ait des gens qui puissent dire « Oui, en effet, je les ai vus, c'était à 15h, heure de Tokyo. » Et entre deux verres, vous avez la barman, une de vos protégées, la Megan, de son prénom, qui vient vous voir. Et qui vous dit, il y a votre ami, le docteur, je sais pas, qui vous attend à l'arrière. Il a dit qu'il voulait vous parler. Très bien. Et j'ai ça pour vous. Et elle sort d'autres enveloppes, qui elles ne sont pas violettes. Ces enveloppes sont roses. Et il y en a une pour chacun d'entre vous. Bah, je prends les enveloppes, je les distribue pour chacun d'entre nous. Je sais pas s'il y a des noms dessus ou pas, mais... Elles sont nominatives ou elles sont juste les mêmes? Il y a vos noms dessus. D'accord. Du coup, je les distribue à tout le monde et je me dirais que je la prends, hein, je prends mon enveloppe. Voilà. Vous les ouvrez immédiatement ou pour plus tard? Moi, je les ai partis pour plus tard. Moi, je vais ouvrir. Moi, je suis en partie maintenant. Vous les ouvrez et à l'intérieur, vous voyez que il y a ce qui semble être une invitation à un mariage. De sa propre personne, Megan, et votre second protégé, Alex, qui fait aussi barman avec vous. Mais félicitations, les jeunes. Oh, c'est mignon. Alex n'est pas là ce soir, mais... Trop hâte d'y aller, en espérant que ce soit pas en session de jeu, parce que sinon c'est mauvais signe, mais si la prochaine session, ça commence au début du mariage, je donne pas cher des mains, je donne pas cher de leur peau, mais... Vous inquiétez pas, c'est dans deux sessions seulement. Bon, vous repartagez un verre, vite fait, histoire de fêter ça, ce genre de choses. Elle est toute heureuse, un peu timide. Il faut avouer que depuis que son cher padré a disparu, vous êtes un peu ses figures paternelles et maternelles. Même si pas trop non plus, elle reste assez, elle est assez adulte pour ne pas trop, pas trop s'attacher. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça va, Daddy. Non, il n'y a pas de Daddy ici. Oh, après, et... moi, j'ai un petit passif un peu plus, plus marqué avec elle que vous. Oui. J'ai fait preuve d'affection dans ce sens-là. J'ai fait preuve. J'ai fait preuve d'affection avec son futur mari. Oui. J'ai eu peur. J'ai très très peur. Oh. Non. Puis, ah. Se... Voilà. Ok. Vous finissez par la laisser. Hein. Il faut qu'elle reprenne le travail. Et puis vous avez un docteur à l'arrière qui vous attend. J'ai besoin de mes médicaments. Et tu as besoin de tes médicaments. Oui, mais quand même, avant ça, tournée générale. Comment? Avant ça, tournée générale, quand même. Oui, bah, tournée générale, évidemment, comme je l'ai dit. Flic, le flic, l'armoise, elle est OK, puis il viendra nous voir après. On lui dit de passer à l'arrière, ça. Ça marche. Très bien. Ils vont lui péter la gueule. Vous arrivez à l'arrière et c'est la partie arrière, c'est pas votre base secrète, hein, ça c'est celle qui est au sous-sol. Je sais pas si vous en rappelez, vous aviez fait une map au sol, vous aviez mis le sol, je sais plus si c'était en relief ou quoi que ce soit, mais en tout cas il y avait une map, vous aviez tout le matériel informatique du Hour Alibi qui était là avec toutes les données des gens qui se sont branchés pour se recharger, ce genre de choses, à la recherche de tout ce qui pouvait être intéressant. Mais là, c'est l'arrière. C'est la partie que vous avez un peu aménagée pour avoir les réserves d'alcool, ce genre de choses, et aussi une petite table pour accueillir les invités de marque, ceux qui veulent vous parler du vrai business. Mmh. Le docteur, le même que celui avec lequel nous avons commencé aujourd'hui, est là. Il est assis, il a une main contre sa tempe, il a l'air d'avoir attendu depuis un petit moment. En vous voyant arriver, il relève un peu la tête. Il a un très grand sourire. Il a l'air très heureux. Vous êtes très heureux, monsieur le psy. Évidemment que je suis très heureux. Vous imaginez pas les amis qu'on s'est fait aujourd'hui. Et grâce à vous. Voilà, ici notre... Vous parlez du cannibale ou de notre pote qui est en Asie? Non, rien à voir avec le cannibale. Ça n'a pas d'importance. Il touche même pas le SMIC. Vous occupez pas de lui. Attends, est-ce qu'il y a un SMIC aux États-Unis? Bon, c'est pas grave. Il y en a pas. Oui, il y a le salaire minimum, mais oui. Il y a un minimum wage. La merde. Ok. Ouais, bah bon. Vous occupez pas de lui. On s'est fait des amis, et grâce à vous, et vous êtes incroyable. J'ai déjà eu des échos, et notre employeur aussi a eu des échos. Ah, donc c'était vraiment Mister? En parlant de ça. Il se trouve que il attend dans la ruelle derrière, si vous voulez ouvrir la porte arrière. Quoi? Ah, mais j'ouvre grand volontiers avec la porte. Ouais, je me pétrifie sur place, je me recule, je m'enfonce dans ma chaise. Je baisse ma casquette et tu sais, j'appuie ma tête dans ma main comme ça. Mm-hmm. C'est moi, j'ai toujours mon casque de moto avec le lapin. J'ouvre. Tu ouvres? Ok. Tu ouvres la porte arrière et il y a une voiture qui a l'air d'être là dans la ruelle, qui a l'air d'avoir par une difficile manœuvre parce que les ruelles sont quand même très étroites à l'arrière du Power Alibi. Il y a une voiture, lumière allumée, quelqu'un à l'intérieur qui vous attend, la portière ouverte. Mais il faut avouer que, à votre surprise, il ne s'agit pas du monsieur. Il ne s'agit en fait même pas d'un monsieur. Il s'agit d'une femme, habillée de rouge et de noir, blonde, de couette. Elle est assise, elle vous regarde avec un grand sourire, elle se relève en faisant quelques petits pas... un peu caractériel. Moi je penche ma tête, c'est pour mes oreilles comme ça, je fais rentrer. Et elle ne rentre pas, elle s'arrête en fait sur le bas de la porte. Et elle vous dit excusez-moi ma chérie, je voulais pas vous induire en erreur évidemment, mais ça donne toujours plus envie de travailler quand on a l'impression que c'est Lex qui donne des ordres. Lex Luthor. Il n'existe pas. que nous vaut votre venue? Des affaires personnelles simplement, mais vous les avez réglées pour moi. Je ne vais pas rester longtemps, il faut que je parte en lune de miel. Ma compagne attend. Je voulais vous remercier en personne pour le service que vous m'avez rendu. Je voulais vous donner une récompense, tout simplement. Parce que je ne suis pas lui, donc je ne peux pas vous offrir ma protection ou quoi que ce soit. Et elle s'écarte, vous laissant vue vers l'intérieur de la voiture où, sur la banquette arrière, attend encore quelqu'un. C'est une petite personne, c'est en fait une jeune fille. Très très jeune fille, en fait, une enfant. Elle a sûrement... allez, on va dire qu'elle a 11 ans. Les cheveux d'un noir profond, habillée avec une petite robe, elle aussi très sombre. Elle a une espèce de tache de naissance au-dessus, entre l'œil et le sourcil, l'œil gauche. Et elle dit, je vous présente la fille cachée au public, mais le père est bien au courant, de Bruce Wayne. Hein ? Quoi ? Quoi ? Le mec des pizzas ? non, l'autre con là, de riche. Non, des burgers déjà. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse d'elle? C'est ma récompense. Oui. Je veux dire, c'est rien que la voir, ça vaut son pesant d'or. Alors imaginez ce que vous pourrez en sortir si vous demandez au père de payer une rançon, ce genre de choses. De toute manière, j'en ai plus besoin. Alors vous la gardez. Ok. Je me retourne et je fais « On est sûr de vous, là ?» Je sais pas si c'est un cadeau ou s'il est empoisonné, mais bon... Merci, allez-y, on va pas vous retenir plus longtemps. Okay. Elle se rapproche de la voiture, vas-y, sors petite. Et la petite se lève, elle la pousse un peu quand même, elle a pas l'air d'avoir trop des rapports trop sympathiques avec elle, mais elle est pas violente non plus, quoi que ce soit, elle est correcte. Elle la pousse vers vous, la petite fille, elle vous voit, elle baisse la tête et elle reste immobile devant de la porte. Et cette jeune femme, du coup, elle rentre dans la voiture et vous dit « Allez, ciao, merci encore !» Et elle démarre.